En toute tranquillité, nous écoutons la radio du Bomi, spécial Outi Tuta. Ouais. Le groupe de musiciens, le duo montréalais de musique, comment pourrait-on qualifier électronique, mais aussi rythmo électronique, chanson un peu, en même temps. Binomial. Binomial, qu'un binôme, comment les binômes, qu'est-ce que... On est deux. On est deux, ils sont deux, c'est Outi Tuta, on va écouter bientôt, une cassette sort sur le vilain chien, on peut la commander pour l'écouter chez soi, mais on va essayer de l'écouter via la radio, gratos quoi, un peu, même bien. Bah on peut écouter des morceaux mieux aussi. On va quand même tout écouter bien tranquillement. Et donc nous sommes en duplex, là c'est la grosse technologie, avec Cédric Camier, avec Jean-Mich. Jean-Mich, ouais. De Montréal, qui est avec nous, qui est présent grâce à la technologie la plus. Ouais, mais là, pas du tout, là, on n'entend pas. C'est-à-dire. Ah, si, vous m'entendez ? Oui, parce que. Ah, très bien, d'accord. On vient de remettre là, c'est-à-dire. Ah, oui, parce que j'ai. Ouais, non, parce que. Ouais, je pensais avoir dit des trucs. Ouais, non, mais c'est. D'accord. Tout va bien ? C'est cool. C'est super. Je crois que ça se passe très bien. On est là, on est tranquille. On a écouté donc un jeune morceau de Hop Hop Hop. Hop Hop Hop. En toute tranquillité. Donc, alors. C'est le début de l'émission là. Hein. C'est le début de l'émission. Hein. Il faut. Mais on est chaud. Moi, je suis. Donc, alors, Outi Tuta, c'est un groupe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire depuis combien de temps vous faites ça? C'est ça la question que tu as préparée? Non, elles sont dans le cahier, on attend que d'accord, Maya ait fini pour sortir le cahier. Ah, j'ai l'ambiance. Professionnelle. Question. Que signifie Outi Tuta? Pas grand chose. Mais encore, développons. Ouais, voilà. Vas-y, raconte, Régis. Ouais. Bah, je peux donner la vraie version. Oui. En fait, je sais pas, moi, après, je veux pas forcer la main si c'est un truc trop cochon. Non, ça va. Bah, un peu, ça implique des filles, quand même. Alors, on y va. Les filles de Massico. Ah, ouais. La meuf à guitare. De la minette de Genève. Mm. Des jeunes filles de Genève. Mm. Pardon. Ça coupe, Régis, là. Non, c'est... Bah, tu perds le fil. Ce duo existait déjà, mais n'avait pas encore de nom. Et j'écoutais le morceau de Massico, je sais plus comment il s'appelle, mais où elle dit... Outi Tuta ? Ouais, tout simplement. Ah. Non, où t'as mis ta veste, c'est ça ? Ah oui. Où t'as mis ta veste ? Ouais, où t'as mis ta... Et tu m'as dit une fois, quand tu l'écoutes très vite. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, tiens, Outi Tuta. C'est un peu de leur faute, du coup. Ah ouais, d'accord. Ah bah c'est marrant. Et on apprend. Et heureusement qu'il y a la radio quand même, hein, parce que alors on l'aurait pas su. Outa, Mita. Ah ouais. Mais alors pour l'orthographe, ça a été complètement une... Là, je me suis lâché. Ouais. Là, j'ai été plus. Deux H, quoi, c'est pas commun. Bah, pour que ce soit symétrique, début fin. Ah, alors, est-ce que cette histoire de symétrie aurait quelque chose à voir avec le fait que vous soyez quand même des scientifiques, hein, Non, c'est parce qu'on est deux, encore une fois. Oui, mais c'est. On peut être. Oui ? On peut. Alors là, on m'entend ? Ah, bah, bien sûr. Non, je voulais. Je voulais. Comment ? Vous vouliez intervenir ? Non, pas du parce tout. Parce que sinon, on envoie un Pokora. Hein. Très. Non, mais. Régis. C'était sur la symétrie, non, tout ça ? Oui, voilà, la symétrie, c'était une question que t'avais abordée dès le début, la bicéphalité, tous ces termes. Oui, c'est mais... ça ? Ouais, voilà. D'accord, mais parce qu'on est deux, on doit être symétrique, parce que c'est intrinsèquement symétrique. Si on est trois, c'est plus équilibré. Oui, on aurait mis un H au milieu. Voilà. Et oui, d'ailleurs, c'est. Alors, moi, je c'est peux. Il y a trois T, quoi, dans Outi Tuta, par exemple. Mmh. Ouais. Si on veut vraiment couper les cheveux dans la soupe. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a une symétrie aussi, alors que c'est pas très bicéphale? C'est un rapport avec notre nombre dedans. D'accord. Oui, puis c'est rythmique. C'est une version rythmique, c'est ça, Régis, non ? Ouais, aussi, ouais. La syncope. Ah, la syncope. Ouais. Oui, c'est important. Dans Outi Tuta, ça fait partie de l'esprit. Enfin, si on est. C'est-à-dire, c'est dans le contrat de base, quoi. C'est de la bicéphalie et de la syncope. Du deux temps, du trois temps. C'est un rythme. Ah. Peut-être Pokora vient près du micro. Oui. Hein. C'est un rythme. Là, c'est un syncope. Comme le Shabada, ou là, c'est tout tard. Ok. Au départ, on voulait que ce soit une danse. La danse qui s'appellerait l'outil tuta. L'outil tuta. Tiens, viens danser en outil tuta avec moi. D'accord. C'est mais c'est... C'est un échec, ça n'a pas marché. Hein. Quoi? Il a pas l'air d'accord, Jean-Mich. Je le pratique très bien. Oui. Allô. C'est pas un échec. C'est la genèse. Ouais. On peut partir d'une idée puis arriver à autre chose hein, quand même. Hein. Sans renier cette idée. Souvent. Hein. Non. C'est un échec. Oui. Si l'ambition c'était de faire comme la lambada par exemple, oui, on peut dire que c'est un échec. Mais bon, est-ce que c'était vraiment l'ambition? Un peu. Ouais, alors vous n'êtes pas vraiment donné les moyens. Où sont les clips avec des jeunes femmes avec des robes à pois? C'est vrai. Alors sans trahir le futur, peut-être que ils sont en préparation. Peut-être que, enfin, faut qu'on discute. On s'est pas mis d'accord avec Régis là. On a oublié de discuter. Ouais. Mais voilà, je peux pas trop m'avancer, surtout que je vois pas. D'habitude, je vois sa tête et sa tête, on dit parfois plus long que. On peut avoir l'image, ouais. Régis. Hein, oui, moi je veux bien l'image. Attends. Mets l'image. Alors pour les auditeurs, ça sera pas vraiment. Ouais, non, mais c'est pour. C'est pour l'ambiance. Comme ça. Jean-Mich. Voilà. Déjà, c'est beau. Là, je me sens déjà beaucoup mieux, Régis. Jean-Mich puise son inspiration dans les expressions de Régis. Faciale de Régis. Ah, il se nourrit du visage de Régis. Oui, c'est une forme d'amour-crainte. Ah ouais, c'est pas mal l'amour-crainte, quoi. On va passer un morceau. On passe un morceau d'outil tout à quand même, parce que les gens, tout ça, genre on écoute, c'est sympa, ouais. Si on pouvait avoir quand même savoir un peu ce que c'est que cette histoire de syncope et tout ça, quoi. Tout de suite, direct, pas de suspense. Oui, comme ça, après on en parle, on met des notes et tout. T'as fait pousser ta barbe, Régis? Bah, je l'ai pas rasé, oui. Ah oui, bah oui, c'est intéressant. Alors. Non, qu'est-ce que. Quel morceau tu proposes, Jean-Mich? Alors, au début, t'as passé un. T'as pas dit ça? T'as passé un nouveau morceau? Oui, alors, le générique, ouais. que certains auditeurs, finalement les deux auditeurs du direct ont entendu. Oui. Les deux losers, parce qu'ils sont pas sortis le samedi soir, quoi, finalement. Ah oui, bah oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein. Sauf s'ils sont ici puis qu'ils passent une belle après-midi. S'ils sont alors, à Montréal et qui. Et là, qui se dégustent. Qui se mettent en terrasse. Très bien être chez soi un samedi soir et passer une super. Avec un petit bouquin, s'acheter une plume. Voilà, alors effectivement, en guise de générique. Ça, c'est pas l'esprit outil tout à. Comment c'est l'esprit outil tout à? Qu'est-ce que c'est les soirées outil tout à, quoi? C'est le samedi soir, tous les soirs de la semaine. Ouais. Ah ouais, ouais. Genre de la vodka, des boîtes de nuit, des taxis. Mais ça marche qu'une semaine. Ah oui. Ouais. Bon, on est. Jean-Mich et Régis, on écoute un morceau de Outil Touta de la cassette. Il y a 4 morceaux. Donc 5, attention. Ça va pas être dur de choisir. C'est pas comme si on va choisir un morceau. Bah si, Jean-Mich il va dire lequel il veut. Alors. Attends, alors carrément quoi. Ouais. Et ben, on a qu'à faire le dans l'ordre. C'est bien l'ordre. C'est vrai que. Encore une fois, on est dans la logique. Le scientifique. On a réfléchi sur un truc. C'est dommage de pas. Oui, c'est vrai qu'on avait bien réfléchi. Bénéficier finalement. Oui, c'est vrai que si l'ordre est bon, hein, voilà. Hein, pourquoi le faire dans le désordre? Donc. Ah oui, on a toujours fait comme ça. Premier morceau s'appelle Martin. Alors Martin, on y va. Pareil comme tout à l'heure, on va perdre Jean-Mich. On se retrouve tout de suite après le morceau Martin qui dure à peu près. Ah bah c'est attention, on fait pas des petits morceaux. 4 minutes 50. C'est très bien, on fume une cigarette, on discute, on est très tranquille. Mais d'accord. Enfin nous, hein, les gens ils écoutent. Hein, ils font ce qu'ils veulent. Même... On y va? Oui. Thank you. revoilà. Oh. Est-ce qu'on m'entend toujours? Parce que là, j'ai mis l'écran un peu plus loin. Oui, bien sûr. Ah, oui, bien oui, je pense. Oui, on avait pris un mauvais départ au niveau de la synchronisation du duplex et sa réalisation logistique, mais là c'est parti là. C'est bien. Ah oui, on est bien. Ah oui, très bien. Alors, c'était super. Hein, c'est donc le premier morceau de la cassette. Donc ouais, ça met tout de suite une ambiance un petit peu festive, chaloupée. Mais en même temps, mélancolique. Hein. Non mais c'est exactement c'est ça, quel beau résumé. C'est une fête c'est un très bon résumé. Parce que vous parliez de danse et tout, donc c'est une danse vers à la fois vers le futur qui serait une sorte de fête et vers le passé qui est une sorte de regard sur le assez tendre sur ces jeunes années. C'est un peu la vie, ouais. Bon, d'abord c'est une démarche de séduction. Alors envers. La musique, je parle de l'esprit, sur une musique sur laquelle est permise la séduction, donc d'une démarche de séduction verbale et puis et physique, par l'intermédiaire de pas alterner, synchroniser rythmiquement, qui permet de danser et puis de se rencontrer. D'accord, c'est pas forcément vous qui séduisez, mais quelqu'un qui écouterait cette musique. Nous on accompagne, on n'a pas un rôle d'accompagnateur dans cette démarche. D'accord, accompagnateur en séduction. Comment ? Accompagnateur en séduction. Voilà, mais une séduction légère, à la fois légère, mais aussi qui traduit l'intérieur. L'intérieur plus donc un peu plus mélancolique parfois, mais des fois on est moins mélancolique et des fois on est évasif, et des fois on est distrait et des fois mais après c'est des répètes aussi hein, parce qu'au début c'est on pourrait l'écouter pendant des c'est un esprit et ensuite c'est du travail. Merci. Je parle de l'esprit. Non, c'est bien, c'est bien. Je parle de l'esprit parce que c'était la question initiale. Enfin, t'as l'habitude de parler de ta musique, toi. Non, mais bon, quand je te vois, je suis plus rassuré. Alors, ça me permet de. Ah, c'est vraiment une équipe, c'est un duo, hein, ça fonctionne. Ah, il faut qu'ils soient là. Hein. Bah, on s'accompagne pour mieux accompagner les autres, et c'est ça les. Enfin, si en un mot commençant, c'était ça. Alors, est-ce que sur cet aspect de séduction, est-ce que M. Pokora, quand même, qui est un peu dans une espèce de ponte au niveau séduction, au niveau chill out. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse à la fois chaud et avec du recul de Jean-Mich de Outitouta? Est-ce qu'en écoutant la musique ça vous a mis dans une ambiance séductive, voire un peu excité? Devant le micro. Pourquoi pas, oui. J'ai trouvé ça à la fois léger et puis oui, effectivement, le passage mélancolique, la légèreté de la vie, je trouve ça assez c'est excitant quoi. Bah, disons que c'était la joie, hein, la joie tout simplement quoi. Ok, hein. La séduction, je j'ai pas trop vu. Alors, c'est le simple accompagnement. Celui qui veut être dans une démarche de séduction sociale, et il est. On se disait, bon, on lui permet peut-être en lui prenant la main ou en tout cas lui montrant une certaine direction de s'émanciper par le biais d'une danse, d'une discussion dans le cadre d'un concert. Et. La joie, c'est ça, la inhibition, on est beau, on séduit, voilà, c'est tout simple. Alors qu'on l'est pas nous-mêmes forcément d'ailleurs, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Il faut noter que Jean-Mich a mis une de ses plus belles chemises pour passer à la radio. Mais on va mettre la photo hein, sur l'internet. on va déposer. Je l'ai mise aussi hier. Mais une chemise portée deux jours de suite est beaucoup plus belle. Il a ramené beaucoup d'accessoires. Il a une carte du momie sur lui. Un sac à course, le vilain chien. Ah ouais, un bel équipement. Hein, un très très bel équipement. Quoi. Est-ce que. Alors, vous avez un peu des morceaux dans votre besace, à la fois Jean-Mich et Régis, que vous avez envie de faire écouter? Je pense que Jean-Mich en a quelques-uns, oui. Ah, des morceaux autres que produit, que fait, que peut fabriquer. Que fait maison. Ou des autres faits maison, d'autres... Parce que non, mais Jean-Michel, vous avez aussi une carrière... vous avez une autre carrière musicale. Multiple casquettes. Ah ouais, mais on peut se tutoyer, hein, Guillaume. Ah, mais on est à la radio, là, on est dans... Ah oui, d'accord, très bien. La distance, quand même. Oui, d'accord, la distance. Parce que si on se tutoie, moi, tout de suite, ça va être vraiment... J'aime bien mettre un peu de vouvoiement pour ambiancer le... Tutoiement, ça fait un peu Radio Campus, quand même. Ouais. D'accord, pardon. Alors que quand même, la radio du Gomi, il y a un certain standing, je veux dire. Là, on mange des olives en buvant du champagne. Non, d'accord, je me... Enfin bon, c'est pas du tout... Je me suis trompé, on va... Oui, on d'accord, très bien. Philo, quoi, merde. Oui. Jean-Michel, est-ce qu'il y a un morceau de ta playlist que tu aimerais... faire partager au monde? Oui, il y en a, bah, y en a qui dans lequel peut-être est résumé l'esprit sans en... Hein, je regarde ta liste et on en a en commun, dis donc. Finalement, ouais, comme le monde est bien fait. Ça paraît moins dual pour le coup. C'est une espèce de... Il n'y a plus l'ambivalence, la symétrie, il y a l'union, la fusion, finalement, c'est peut-être moins intéressant. Mais on ne mettra pas ce qu'on a en commun. Ah, ça... Bon, je sais pas. En tout cas, il y en a un qui résumerait l'esprit qui n'a rien à voir avec le... Enfin, peut-être un peu à voir avec la musique, mais en tout cas qui... Enfin, qui sent la chaleur. C'est pour rebondir sur le commentaire de Monsieur Pokora. Si je peux aussi mettre Monsieur avant vous. Enfin, ou... Ben, c'est assez... pour ça le M, hein, de toute façon. Ouais. D'accord. Monsieur. Il y a The... Electronic Circus, peut-être, Direct Lens. Alors, si t'as la vidéo, c'est super. Enfin, c'est dommage, mais c'est en même temps super. D'accord. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas la vidéo, ça sera moins bien. Mais quand même, essayez d'imaginer. Peut-être qu'on fera une description en direct ou après. D'accord. Ou peut-être on peut déjà avoir une description de la vidéo. On peut la faire après. Mais moi je vois le... Le quoi ? Ah, le clip avant de le passer. Ouais, voilà. Ça a l'air d'être en noir et blanc. Je vois une fille. Ah, c'est une rencontre. C'est une rencontre qui se construit par une séduction. Donc, c'est un jeu de séduction. Le band, c'est The Electronic Circus. Et la chanson Direct Lines. Ok, c'est parti. Ah ben, on y va, hein. Bon. Je remets les micros. On m'a demandé de revenir à l'antenne. Oui, Régis. Alors, car... Qu'est-ce qui s'est passé? On a des soucis techniques avec des... Non, mais en fait, la liste de... Jean-Mi. De Jean-Mi, il m'a fait une petite playlist sur YouTube. Ouais, mais... Mais elle est pas bien. Il se trouve que chez lui, à Montréal, ça marche très bien, mais en France, cette vidéo-là est bloquée par Studio Canal. C'est qui ça, Studio Canal? Ouais, c'est Canal. C'est Canal, l'esprit Canal, tout ça. Antoine Decaune, le mec avec les cheveux gris. José Garcia qui fait le Attends, je vais essayer de relire bien. Qui se déguise en femme et qui regarde dans un miroir et qui voit toute sa famille qui revient. Voilà, c'est bloqué dans notre pays. Alors Régis, est-ce que peut-être, parce que les moyens technologiques nous le permettent... Alors, tout est bloqué? Non, mais tout n'est pas bloqué. On fait une recherche du même titre sur un autre support. Oui, on peut. Sans le clip, on s'en fout finalement du clip, vu que de toute façon, on serait à la radio. Ça va nous permettre de redonner le nom du groupe. Alors, on va redonner le nom du groupe qui, alors, a priori, c'est... Electronic Circus. Comme cirque électronique. Voilà, et Direct Lines. Donc, c'est proposé hein, par... Alors là, je pense que j'ai une autre vidéo. Là, je pense qu'il a un bon truc. Donc... C'est parti! C'est reparti. Jean-Mich. Alors, ouais, c'est un peu différent quand même sur la vidéo parce qu'il y a l'esprit qui passe moi, que mais. Tu dis hein, tu m'entends toujours ou pas? Oui, oui, oui. Jean-Mich est en train de nous expliquer que sans la vidéo, ce clip perdrait un peu de son sens. L'histoire de rencontre, est-ce qu'on a senti une rencontre Vous l'avez vu? Non. Nous, on n'a pas vu la vidéo non plus. Non, parce qu'il y avait juste la pochette du disque qui est assez sobre. Un titre orange sur un fond blanc. Sur un format carré qui ne bouge pas du début à la fin. Oui, bah en fait, c'est au début, un noir et blanc, une rencontre à base de cigarettes. Et puis ça termine sur la plage avec peu de vêtements. Avec Peu de vêtements, mais tout ça, c'est très, très joliment. Peu. Des slips de bain, des maillots de corps, des bardeurs. Voilà. Ouais, bah tout ça en moins. En fait, voilà, tout ça. Voilà. Mais ça, c'est l'esprit d'outil tout à. Ça en fait partie quelque part sur le thème de la séduction. C'est pas forcément ce qu'on essaie de faire, mais je voulais proposer aussi quelque chose. Je pense que un petit peu différent de ce que aurait proposé Régis. C'est bien, c'est très bien. Alors, je reviens à des considérations plus. Tranquille. Donc, outil tout à une cassette. Une cassette, c'est, voilà, trivial. Merci, Empo. De rien. Des considérations plus triviales. Donc, c'est une cassette qu'on trouve, donc, bien évidemment, chez Le Vilain Chien, attention, en édition limitée. Mais on la trouve aussi sur Montréal, dans les Distroboto. Alors, c'est quoi cette histoire de Distroboto? Alors, ils ne sont pas encore, mais ça va pas tarder. Attends, et vous calmez, hein. Déjà, il ne faut pas que vous parliez en même temps. C'est-à-dire, qui veut parler des Distroboto? Oui, je peux. Alors, Régis, ils ne sont pas encore, ça ne va pas tarder. Voilà. On attend le feu vert de Louis Distroboto. Voilà, alors, c'est qui, Louis? C'est le boss, c'est lui qui a eu l'idée il y a un petit moment déjà, je pense, 15 ans, quoi. Ah ouais. Un truc comme ça, quoi. Une moitié c'est de un vie, vieux quoi. De la vieille de Montréal, de transformer les machines distributrices de cigarettes qui n'étaient plus en fonctionnement, puisque j'imagine que le gouvernement a demandé la cessation d'activité de ces machines. Il n'a pas demandé aux machines, il a demandé aux gens qui s'occupaient des machines. Il a dû prendre un intermédiaire. Un agent. Et donc, plutôt que de les... Il y en a, la plupart ont été jetés, mais lui, il s'est dit, tiens, ces machines-là qui traînent dans les cafés, les machins, si on a la place des cigarettes qu'on ne peut plus vendre dans les machines, on mettait des objets d'art. Qui, du coup, qui doivent faire la taille d'un paquet de clopes. D'où le format pas cassette grand, aussi. Qui correspond voilà, bien à cette taille... Les cigarettes... américaines, canadiennes n'ont pas exactement le même format, elles se vendent souvent par 25 que les paquets. Ouais, c'est A4 plus petit, mais oui. Comment ça A4? Bah non, en fait, pas A4, A6. A6 quoi. A6, voilà, A6, c'est ce que je voulais dire. Enfin voilà, donc bon, tant que ça passe, ça pousse. Là-bas dedans, si ça pouvait passer dans un paquet de cigarettes, ça marche. Le prix est fixe. Alors, c'est-à-dire fixe, quoi qu'il arrive, tac, quoi qu'il, quel que soit l'objet, le prix est fixe. Donc, c'est 2 dollars. Dollars. Autant dire, ça fait 1,50€. 1,50€, c'est pas cher. Comparé aux 5€ quand tu commandes, ou 6€ quand tu commandes au Vilain Chien. Ah bah oui, c'est pas du tout les mêmes tarifs. Hein. Voilà. On est par dans contre, dans il faut prendre l'avion. Développer, hein, attention. Super. Quelle belle publicité tu fais. Non mais pas du tout. Mais qui va Mais moi j'en ai rien à foutre. Allez donc à Montréal, achetez vos petites cassettes là, 1,50€. Oui, finalement dans ça coûte un peu machins. Plus cher quand, si on compte le billet d'avion, même distribué sur un nombre. Par contre, nombre je de tiens cassettes. À préciser que donc, les cassettes sont toutes uniques. Unique, c'est-à-dire la cassette elle-même. Donc bien rebondi. On a demandé un pack random. quand on a fait dupliquer les cassettes, c'est-à-dire qu'elles ont toutes, elles ont, il y a plein de couleurs différentes. C'est un arc-en-ciel, quoi. La pochette, c'est fait main. C'est vrai qu'on n'a pas discuté de la pochette. Alors, c'est très artisanal, et il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien, qui sont un peu plus loupés. Hein, alors, c'est dû à quoi? C'est dû à une fatigue? C'est dû à un geste un peu lourd? Non, il y avait des essais au début, on n'était pas sûr. C'était pas facile. En tout cas, c'est bien collé. Voilà, mais il y en a qui sont moins bien collés ou moins bien coupés. Donc, la boîte est constituée d'un... Attends, je vais finir quand même. Je disais que, en gros, chaque cassette... Je peux aller fumer une clope aussi, puis... Chaque cassette est unique. Et quand je suis venu en France ramener les copies pour Le Vilain Chien, j'ai fait la sélection des plus belles pochettes et des plus belles cassettes. Autant dire pour que Le Vilain Chien, qui se retrouve dans les distro-boto. C'est bien, tu te rattrapes bien du coup sur cette, voilà. sur cette donc, histoire. Donc si vous voulez la qualité, commandez Au Vilain Chien. Si voilà. vous êtes un peu ricrac, un peu dans la merde, allez à Montréal, quoi. Faut pas chier, quoi. La bière à 5$, c'est la folie, quoi. Bam. C'est bien. C'est donc bien c'est bien fait, quoi. Alors dans ces distro-boutons, on trouve des cassettes, on trouve des petits livres, on trouve des badges, des bouts de bois, des cailloux. C'est exactement, ouais. Des cassettes, ça se fait rare maintenant dans les distro-boutons parce que 1,50€. Sur les 2$, il y a 1,75€ qui reviennent à l'artiste. Faire des cassettes à 1,75€ l'une, c'est chaud. Genre c'est chaudard, quoi. Nous, ça nous coûte bien plus que ça. Donc on perd de l'argent à chaque cassette vendue dans un distro-boto. Oui, mais Outil Touta, on est dans la séduction. On est dans l'accompagnement à la séduction. Donc c'est pas dans le bénéfice. Pas du tout. C'est plus comme un mage, une sorte de marabout. Quoi, on travaille quasiment gratuitement. On n'est pas bifton. C'est pour ça qu'il y a moins de cassettes que j'en ai vu. Mais là, j'en vois plus. Ni même de mini CD, bon, parce que aussi c'est un peu la loupe. Donc, c'est-à-dire la musique serait quasiment absente des distro-boto. Voilà, quoi. Donc c'est la bonne occasion d'aller acheter de la musique dans les distro-boto. Enfin, quoi, du son dans les clubs, quoi. Voilà. Donc là, ce qu'on trouve plus, c'est plus des petits fanzines, des aimants que tu peux mettre sur les frigos. Ah, des magnets. Des magnets. Oui, ouais. Des badges, un peu tout et n'importe quoi. D'accord. Des cartes postales. Et alors, aussi, il y en a partout. Est-ce qu'il y a une carte de ces endroits où on peut les trouver? Il y en a dans les lieux branchés, quoi. La Casa del Popolo, le KGB, Sala Rossa. Le divan orange, non, ils en ont pas. Divan orange. Ah, rouge ou orange? Orange, divan orange. Ah. Ouais, petit détail esthétique important. C'est café, bar, salle de concert, un peu hip. Hip. Ok, bah c'est plutôt chouette. On trouve des hipsters. Voilà, plus des bibliothèques, je crois, des trucs comme ça. Ah, donc il y avait des distributeurs de clubs dans les bibliothèques. Bah, ils ont déplacé. Ah. Alors, attention. Ah oui, attention. Asseyez-vous. Distro boto en France. Ah bon? Oui. Alors, je pense pas qu'il y aura une cassette tout à dedans. Et pourquoi pas? Je sais pas s'il est encore en fonctionnement. Et c'est où? Et c'est à la Fanzinothèque à Poitiers. Ah, bah faut qu'on. Confort moderne. Oh, le délire, c'est ça! Bah, je crois que j'ai. Ouais, je me souviens. Ah, tu de l'avais ça. Vu, ouais. Ouais. Ah, c'est incroyable ce truc. Ouais, d'accord. Ah, c'est marrant. Mais c'est un distributeur qui était en France ou ils l'ont quand même ouais, pas emmené? Ouais, c'est pas le même modèle, quoi. Non, ouais. Je pense que c'est un distributeur qui était en France. Bah, c'est le même principe. En Allemagne. C'est le même principe. D'accord. Voilà, bah mais vous tapez distro-boto. Bah alors, qui m'envoie des choses dedans dans ce distri-robot de Poitiers? Où ça, en France? Distro-boto, ouais. Oui. Ouais. Celui de France? Oui, celui de Poitiers. Des poids de vent. Oui, mais je veux dire, c'est pas géré par ce fameux lui. Non, je pense qu'il a... Le big boss de distro-boto. Donc, quand tu utilises... Il a proposé l'idée à la Fanzinothèque. Qui l'ont fait. Mais c'est pas lui qui gère les... Je pense que celui-là, c'est pas lui qui gère. Faudrait se renseigner alors sur qui gère ce distro-boto, quoi, pour... On pourrait appeler la Fanzinothèque. On n'a pas les moyens techniques. D'ailleurs, on connaît le... Ah oui, on peut leur faire une blague. Okay. Trop long ici, à la radio du momie. Hein. Et on connaît, quoi. Donc, Mpokora qui n'est pas seulement un beau gosse avec des pectoraux, une voix et un public sexuellement très jeune. Je suis aussi relax, quoi. Il est aussi très relax, mais il est aussi très ouvert sur tout ce qui est open source, logiciel et setup de musiciens. Donc je pense qu'il va faire un petit moment interview technique, technologique de interview outils, chiante. Tout ça. Un petit moment chiant, un petit moment relou, mais vu que vous êtes tous les deux des scientifiques, interview vous avez, geek. Vous avez l'habitude, c'est un moment geek. Quand on a l'habitude d'être chiant, qu'est-ce que ça veut dire encore? Non, mais d'écouter des trucs chiants, tu vois, les professeurs, les machins, les tout ça. C'est un chiant un peu sympa, c'est pas un chiant genre comme aller je sais pas où, faire je sais pas quoi. C'est un truc beaucoup plus sympa. Donc ce que je propose, c'est qu'on passe un petit morceau de musique quand même. Je pouvais mettre un jingle moment geek. Ouais, mais alors, on passe un morceau. Non, ok. Mais si, mais attends, je finis. On passe un morceau, on met le jingle. Toi, tu veux tout de suite faire le jingle, le moment geek? Ouais, non, sur le moment, j'avais ça en tête. T'étais chaud. Mais non, mais on passe un morceau de musique. Ouais. On repasse un morceau d'outil tout à ou c'est trop tôt C'est trop tôt, non? C'est trop tôt. Quelle heure il est? 11h06. Bah, dis donc, ça fait 2 heures qu'on est là. Une heure? Ouais. Moi, je passerai bien. Passons un petit morceau. Un morceau genre de 3-4 minutes, mais sympa. 3-44, c'est bien. Fait plaisir, c'est super. Qu'est-ce que c'est? Brian Eno. Ouais. Brian Eno, ouais, j'aime tout bien simplement, Brian quoi. Ouais. Comme ça. Ouais. C'est dans la séduction aussi. Oui. Je sais pas, j'ai essayé de faire un truc qui pas... Non, si, on était au niveau des habits dans les années 70, il était bien. Ah, y a quand même une sexiness, c'est quoi. C'est un des pères spirituels de M. Pokora, si je puis me permettre de parler de moi-même à la troisième personne. Ok, je ne savais pas, mais je suis content de l'apprendre. Donc, on envoie le morceau de Brian Eno qui s'appelle Backwater. Water. Backwater, l'eau de derrière. Ouais, l'eau de... Qu'est-ce que c'est, l'eau des essuie-glaces arrière? Ce serait l'eau du petit jet dans les toilettes? Mais parle dans le micro. L'eau d'évacuation. L'eau d'évacuation. Les égouts, le tout à l'égout, c'est une chanson sur le traitement des eaux. C'est anglophone pour m'avancer plus que ça. Peut-être ta que carrière Cédric se développe un peu. Jean-Michel dans l'intuition en fait. Oui, je t'écoute, j'écoute. Une idée sur Backwater. Sur l'histoire de Backwater, qu'est-ce que c'est? C'est l'eau des toilettes, c'est. Non, bah, c'est une histoire de politique publique. Très bien. Moi, perso, j'ai internet et j'ai regardé. Alors, c'est figuré familier, ça veut dire trou paumé, trou perdu. Un bled, c'est une chanson sur le bled. On s'écoute cette petite chanson, on vous repère Jean-Mi, et puis on se retrouve dans 3 minutes 40. C'est parti. Salut. Thank you. Tiens, si. Le moment. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Mi ? Bonsoir. Ouais, ouais, je suis là. Je suis là, c'était bien. Vous êtes présent. Régis, vous êtes présent ? Mais oui. M. Pokora présent. Est présent aussi. Et c'est son moment. C'est lui qui mène la danse. Qui drive l'interview. Je laisse. D'accord. Alors bon. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, je suis toujours un peu intéressé parce que, en tant que musicien amateur, j'ai eu un petit succès avec des boîtes à rythme vite fait. C'est vrai. Mais je suis toujours intéressé par la méthode de travail et les instruments, comment vous faites les sons et tout ça. Et j'ai pu regarder des vidéos. On peut le dire, ça Vous pouvez dire ce que vous voulez. Tout. Voilà, la manière dont vous travaillez, oui. En vidéo, il y a des captations, là, des répétitions. Là. Tout à fait. Et donc... Mais comment ça se fait qu'on a accès à ça, la méthode de travail, ça avait l'air de bien fonctionner. Non, c'est en privé, c'est en interne. Ah oui, d'accord. Pardon. La méthode de travail avait l'air de bien fonctionner. Oui. C'est ça, votre question. Oui, ça avait l'air de bien marcher, quoi. Comme une sorte d'atelier, comme ça... On lance des boucles, on travaille, on improvise à la fois. Alors attention, on lance pas de boucles. D'accord. On crée des boucles. Il y a une fois, j'ai un arpégiateur. Voilà. Mais sinon, c'est à la main. Non, mais ouais, on essaye des trucs. Il y a des boucles, on lance pas de boucles. Ah, il n'y a pas de boucles. Il y a des boucles, il y a trop des boucles. Il n'y a rien de préenregistré. Il n'y a aucune boucle. Rien de préenregistré. D'accord. C'est tout live. Oui, mais les boucles, elles jouaient live, mais elles étaient bouclées, quoi. Ah bah oui. Ah bah, il y a de la récurrence dans les mesures. Mmh. Et des mesures qui succèdent et qui se ressemblent, qui varient. Voilà, répétition, variation, rupture, les mamelles de la musique. Mais bon. Je peux enchaîner ? Ah oui, s'il vous plaît. Alors moi, en fait, comme j'ai eu un gros succès, donc j'ai plein de sous, donc j'ai plein d'instruments analogiques vintage, des rééditions qui coûtent la peau des fesses. Et, tu veux nous enfiler ? Et en fait, bon, je me suis toujours demandé, il y a forcément une alternative à tout ça. C'est quoi votre économie de travail ? Vous travaillez avec des logiciels libres, par exemple ? Effectivement, on a moins de pognon que toi. Alors, on travaille avec techniquement, il faut répondre, Régis, quand même, pour répondre aux questions. J'entends pas bien ce qu'il dit, Jean-Mich, moi. Mais oui, parce qu'on l'a baissé, parce qu'il y a eu des gens qui ont dit qu'il était trop fort. Tu montes la radio en général. Non, mais je peux pas monter la radio. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui vous. Là, on est bien, la leçon est bien. C'est une ligne de conduite. Est-ce que vous donnez du sens à bosser avec des logiciels libres, du matériel assez léger, accessible à tout le monde? Moi, perso, ouais. Vous allez répondre chacun à votre tour. J'ai l'impression que cette question, ça va être pas mal. Oui. Donc Régis. Et donc je réponds en deuxième, s'il te plaît. Voilà. Donc Régis. Logiciel libre, ouais. C'est quoi? Tu bosses avec quoi? Qu'est-ce que c'est? Comment tu fais tes sons, quoi? PD. Tu te calmes tout de suite. On a dit, on traite pas les gens. On est dans le respect de l'intégrité de l'être humain qui a pure un corps, data. Un esprit. Pure data. Pure data. Pure data. Pourquoi il y a de la musique? Combien de souvenirs? Bah parce que c'est la musique. Bah il y a des pubs ou je sais pas quoi. Combien de nouvelles expériences voulez-vous? Qui met des pubs, quoi? C'est Jean-Mi? Mais j'ai rien mis dans tes pubs. Qui met des pubs? Il faut bien se faire de la thune, j'ai mis des pubs, quoi. Merci M. Pokora. Putain, c'est pas pour rien qu'il est riche, ce mec. Hein. Bon, donc... Régis, réponds à la question sur... Qu'est-ce que tu utilises comme logiciel? Est-ce que c'est important d'utiliser des logiciels libres, patati patala, je sais pas, moi... Bah oui, c'est plus sympa. Oui, mais t'utilises quoi? Comment? T'as un synthé? T'as un ordinateur? Une caisse claire Ah, moi j'ai fait mon synthétiseur dans Pure Data, du début à la fin. Alors comment on fait son synthétiseur, quoi? Ah, bah on passe du temps, quoi. On commence par un oscillateur, un deuxième... Après, on va mettre un multiplicateur, des trucs. Puis puis à la fin. Et puis on met puis un clavier, à un moment on met un clavier. Bah, le synthétiseur, oui, mais pour le contrôler, effectivement, on prend un clavier. Oui. Parce qu'on c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Pour... Donc le clavier arrive à la fin, quoi. Oui. C'est ça d'abord, pourrait être autre chose hein, qu'un clavier. Un fauteuil, mmh. une table, mmh, une chaise. Tant qu'on peut interagir physiquement avec. D'accord. Alors, on passe à Jean-Mi. Ouais, bah je pense que ce que tu oublies de dire, Régis, il y a un point important. Si la question c'est la manière de fonctionner, pourquoi c'est original et pourquoi ça peut être bien de fonctionner d'une certaine manière, versus utiliser des outils préexistants qui valent cher, c'est qu'au moment où on les fait, on a des idées. Quoi. Et on a au moment de fabriquer, bah, au moment de faire le synthé. À la main aussi, et ben on peut faire autre chose, on a d'autres idées de sons à agencer, à structurer, des arpégiateurs magiques, des boucles bizarres et des voilà et des sons qu'on essaie de faire et qui parfois en fait sont mal faits et puis quand ils sont mal faits ben, ça donne on est surpris puis des fois c'est bien et on garde. C'est vrai. Et en plus, c'est l'avantage de faire comme ceux qui font un peu l'instrument tout seul. Des fois, bon, bah, on est surpris par ses propres explorations, tout à fait. C'est vrai. Ouais, mais... Je trouve ça intéressant par rapport à tout ce mouvement. Un peu genre, bon, bah, je m'achète des trucs à bande. Tu vois. Bah, c'est bien aussi, c'est efficace, mais du coup, non, mais parce que Régis, ça avait l'air facile, en fait, non, en fait, non, c'est long. Pendant 10 minutes, non. Allez-y, hein développez. Continuez, Régis voulait vous couper alors qu'il est en train de faire un autre truc sur un ordinateur annexe. Mais je sais que t'es pas assez fort. Attends, il y a Jean-Mi qui parle, mais je sais pas quel est ton micro. Non, c'est le 1, je crois. Vas-y, parle. Bah, parle dedans. Papa. Qui a le micro 1 ? Non, mais je crois que je suis le 4. Vas-y. Oh là là là là là là là là là là là là là. Ah, tu vois ? C'est ça. Voilà. Alors, donc, on. Je sais même plus ce qu'on disait, quoi. Jean-Mi, allô ? Oui ? Qu'est-ce que vous disiez ? C'était la question de. C'était sur quoi la question, monsieur Pokora ? Ah, les nouvelles technologies, tout ça. Ah, pourquoi pas utiliser... Alors, la différence entre utiliser un truc super efficace qui marche direct et qui a un son du feu, oui. De feu, et un truc fait à la main où c'est un peu plus long, c'est bah, tout est un peu plus long, mais en fait, ouais, au moment où c'est long, et ben, c'est là où il y a une part aussi de création qui se fait à ce moment-là, comme quand on répète ensemble et des fois on improvise, et ben, on fait pareil avec notre instrument. Non, mais surtout on fait des trucs qui n'existent pas, qu'on pourrait pas acheter, quoi. Moi, mon setup, tu le trouves pas dans le commerce, hein, franchement. Oui, mais des fois, on réinvente la roue, mais des fois, on a deux trous. Mm. C'est bien comme image, non ? Oui, c'est très bien. Je suis satisfait de toutes ces réponses. Oui. Donc, c'est un groupe qui est assez moderne, en fait. Outil tout à fait. Mais alors, c'est long. Qui vit dans l'air du temps, quoi. Faut dire que ça peut être très long de modifier ces trucs et que des fois, ça marche pas, des fois, ça bug. Alors, des fois, ça prend plus de temps, quoi. Ah ouais, ça prend du temps, mais il y a un résultat. C'est quand même. Le chemin est intéressant. C'est... En ouais, fait, créer les outils, ça fait partie du tout de la création, ouais, quoi. Exactement. Et c'est ça qui donne des nouvelles idées. En tout cas pour nous. Enfin, je généralise pas, mais pour nous, ça donne des nouvelles idées. On ferait certainement pas les mêmes si on avait tout clair en main. Mmh. Moi, pour mon prochain disque, je vais me mettre à la programmation et je vais faire mes séquenceurs à la main avec un langage orienté objet, ouais, forcément. Mais objet, programmation modulaire. Objet son, quoi, tu vois. Ouais. Ah bah oui, bah ça donne... Ça, c'est bien. Voilà. Ça c'est le but de cette émission, quand même. Mmh. Et moi, je ferai des CD, pas des cassettes, les gars. Okay. Est-ce que on, ouais, écoute, bah... on écoute un petit, on réécoute un morceau de Utituta pour se remettre un peu dans l'ambiance, parce que là les gens ils disent ah, qu'est-ce que c'est tralali tralala. Maintenant on a discuté des ordinateurs, des moyens de création, tout ça. Voyons comment ça se traduit Très rapidement pour répondre à Mpo concernant la création, la méthode de travail. Tout le temps qu'on a passé en répète, c'était pour préparer un set de concert. Et la cassette, c'est juste l'enregistrement du set. C'est pas des morceaux... On n'a pas fait des morceaux pour c'est être enregistré. C'est comme si c'était... Je comprends pas. Vous avez pas fait des morceaux. Alors attends, précise, Régis, parce que ça peut être mal interprété. Moi-même, là, je suis pas très sûr. Pardon ? De ce vers quoi tu vas. Qu'est-ce que tu veux dire, en fait ? C'était très orienté scène. Toute cette musique, et puis on l'a enregistré. Oui, mais comme n'importe quel groupe. Ouais, c'est ça. C'est quoi notre... Tu répètes pour faire un set, pour faire des concerts. Non, pas n'importe quel... C'est quoi notre rapport, c'est quoi ton plus, c'est bien. Attendez, j'ai rien compris. Moi, personnellement, quand je fais de la musique Régis Victor, quand j'enregistre... Ouais. Quand j'enregistre, c'est j'enregistre. C'est pas... Je les joue pas sur scène, après. J'ai une dichotomie entre la scène et l'enregistrement. Je fais pas les mêmes. Ah, il fait la différence entre la production, comme si on était derrière un logiciel de workstation. J'ai des sets live comme ça, que j'enregistre pas et des morceaux enregistrés que je joue pas en live. Et du coup, tu peux pour pas, moi, là, d'enregistrer un set live, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas d'habitude. Alors que c'est plutôt comme la ça. La norme chez les autres, oui. Ok. Voilà. Par contre, Jean-Mi, vous fonctionnez pas comme ça, vous. Bah si, on a fonctionné comme ça parce qu'on enregistre en même temps, finalement. Oui, mais vous avez d'autres projets, vous, Jean-Mi. Vous avez une carrière musicale. Oui, il y a un côté... Alors, à l'inverse, impossible à reproduire sur scène, celui de la... Oh, on appelle ça la composition acousmatique, électroacoustique. Ah, pourtant, c'est ça une... L'inverse. Ça a une existence scénique. Il y a des... On appelle ça des diffusions, c'est pas un concert. Ouais, ils essaient de faire perdurer ça. Il y a une justification scénique parce qu'ils essaient de diffuser spatialement en ajustant des gains de haut-parleurs pour rendre compte d'une performance live, mais tout est composé, minutieusement travaillé d'orfèvre et de sueur avant et longtemps avant. Parce que peut-être que les gens n'ont pas compris, mais Jean-Mi fait aussi de l'électroacoustique. Ouais, c'est ça que j'essayais de... Voilà, donc Jean-Mi, parallèlement, est docteur en acoustique et personnage clé de la scène montréalaise et de l'électroacoustique. Ça fait un peu peur, là, quand même. Ouais. Non, moi, je trouve ça bien. Mais on a des questions après à ce sujet, donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on écoute un petit morceau de Utituta. Ouais, mais moi, j'aurais voulu poser une question. Mpokora... Ouais. Alors, on continue dans l'instant geek, c'est parti. Oui, alors, bon... Bien dans le micro. Oublié. Oui, alors, non, en ce qui concerne. Bien voilà, dans le micro. Toujours dans l'angle de vue, logiciel libre, modulaire et utilisable, on partage du savoir. Mm-hmm. Est-ce que Régis, toi, tu publies tes patterns PID en ligne ? Alors non. Car ils sont trop. Très peu documentés. Ils sont très peu documentés, ils ne seraient pas réutilisables. Égoïste ! Je les ai fait pour moi. Il n'y a pas de manuel. Même moi, si je m'en sers pas pendant deux semaines, je sais plus comment ça marche. Voilà. D'où l'importance de la documentation. D'où l'importance. Si le but c'est effectivement le partage. Ouais. Je l'ai effectivement fait pour. Et on peut parler peut-être de la licence sous laquelle vous publiez votre musique. Alors, je sais pas si on en parle tout de suite. Ah, c'est prochain. Ouais. Ouais, j'ai devancé un peu le. Tu dérapes. J'ai glissé, quoi. T'as glissé. Mmh. En avant. On y va, on enchaîne. On met un deuxième morceau. Le deuxième morceau d'Utituta, dans l'ordre. C'est où ? Il faut que je les retrouve. Ça va, à Montréal ? Très bien. C'est... Okay. Alors, le deuxième, il s'appelle Manley. Très bien. C'est un prénom. Hein. C'est un prénom. Bah, tous les morceaux sont des prénoms. Pourquoi ? C'est Jean-Mi qui aime bien les prénoms, en fait. Oui. C'est une de mes choses préférées. Et je pense que le premier, c'était Francis. Hein. Oui, c'était Francis. C'est un prénom que tu affectionnes. Parmi plusieurs, j'ai une banque de prénoms préférés. Oui. Dont Francis. Bon, Francis. Mais par mais exemple, c'était... C'est aussi le titre de l'album, je sais pas si on l'a déjà dit. Non, mais attention, c'était des personnages qui composent une scène dansante, des personnes qui nous accompagnent. Donc, parce qu'effectivement, c'est toujours l'accompagnement et la rencontre gestuelle des festivals. Donc, le prochain morceau parle de Manley, qui est une personne qui marche beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Dans tous les sens. Voilà. Mais des rencontres, Régis, ça existe. Non, on sait pas en fait. Mais c'est une personne qui marche beaucoup et longtemps. Mais qui. Oui, ça, qui mais a ça donne la crédence. Elle ne peut pas tourner la tête. Voilà, c'est ça. Comment qui a le cou très raide et ne peut pas tourner la tête. D'accord, donc elle regarderait que droit devant. S'il y a quelque chose qui arrive sur les côtés ou derrière, cette personne ne voit pas. Voilà. On y va ? On y va. Voilà, en toute tranquillité sur la radio du Momi, grâce à Internet. Et nous sommes toujours donc avec les deux musiciens. Je suis toujours là, là je suis là, on m'entend. De Utituta, oui, nous vous entendons. Et Mpokora qui intervient voilà, de temps en temps lorsqu'il ne picole pas au cours de cette émission. Alors, j'ai toute une liste de questions. Vous êtes là, Jean-Mi, Régis ? À fond, là, je vais hyper efficace. C'est parti. Alors, avez-vous des images en tête quand vous faites cette musique ? Est-ce que tu lis cette question ? Tu veux les poser ? Alors, Chenillon va poser les questions, quoi. C'est l'interview Chenillon. Tiens, mais prends. Mais quoi ? Mais je me suis pas trompé. Non, c'est trop tard. Bon, est-ce que vous avez des images en tête quand vous composez est-ce cette vous musique ? Portez des chapeaux ? Non, mais attends, il faut parler dans le micro, quoi. Est-ce que vous portez des chapeaux ? Ah, je vois à quoi tu fais référence. Est-ce que vous mettez des chapeaux, pardon ? Et Jean-Mi, je ne me rappelle plus pourquoi j'ai marqué ça. Je prends la première question, Régis. Tu prends la seconde ? Comment ça se passe ? Je veux bien que tu fasses les deux. Alors, alors, faut dire que pour chaque chanson, dans la continuité de ce qu'on racontait au début, c'est un personnage, et c'est un personnage qui danse d'une manière particulière. Un des mécanismes de création, là, c'est de s'imaginer une danse particulière, qui est une sport. Et qui a relativement une danse qui ressemble à un sport et qui donc nous contraint des mouvements d'une certaine manière, par c'est exemple vrai. Du ski nautique ou alors de la planche à neige. Par exemple, si tu voulais danser le ski de fond. Ah ouais. Voilà. Et ben voilà. Danser alors, le badminton. Ça... Ouais. Voilà. Et ben ouais. ça fait Martin. Ouais, tu vois, voilà, ouais, donc ça. Ma question n'était pas si. Ah non, elle était complètement. Pas si idiote que ça, quoi. Non, elle est pas idiote du tout. Et Jean-Mi est un spécialiste de la danse sportive. Enfin, du sport dansé. Du sport dansé, d'accord. Donc, c'est des sortes de... D'accord, ok. On lui donne un sport et il peut l'interpréter corporellement. Donc, chaque morceau... En rythme. D'accord. Elle se destine à être dansée d'une certaine manière. Et d'accord. C'est ça qui nous fait l'esprit du morceau et l'esprit du petit personnage qui va incarner ce morceau, d'où son prénom. Voilà. Par contre, on n'a aucune indication, nous, que si on achète la cassette chez nous. Il faut être un petit peu inventif. Oui, mais je ne sais pas si c'est non, mais important. C'est pour nous, ça. C'est ce qui nous a aidé à créer les. Ah, c'est vrai que c'est sympa de savoir avec qui on danse. C'est sympa, ouais, mais bon, après. Après, si on écoute, on n'est pas obligé de faire comme. Non, vous faites ce que vous voulez. Pas obligé, quoi. Ouais. D'accord. Non, puis on n'a pas eu le temps de faire un manuel, tout ça, puis c'est bon, voilà. C'est comme les patchs PD, quoi. Pas de manuel. Autre question, Chenillon. Alors, c'est le titre, alors qu'on n'a pas écouté, je crois, le titre Francis. Oui. Et je veux savoir qui était Francis. Bah, comme Francis, qui est Martin, c'est... qui est... Vas-y, Régis. Francis est un garçon, un jeune garçon. C'est le jeune, on parle du jeune Francis, en fait. Attends, faut que je me rappelle qui est Francis exactement. Francis visite est un garçon qui a des amis et qui visite un endroit près d'une rivière et qui rencontre un garçon à côté de son canari. Donc en fait, c'est quelqu'un de propre sur lui, Francis. Pardon ? C'est quelqu'un d'assez propre sur lui. C'est quelqu'un d'assez propre sur lui, et lui et ses compagnons étaient venus sur cette île, en fait, parce qu'il est entouré par de l'eau, donc c'est une île pour rechercher des compagnes du même âge. Mais il tombe simplement sur ce garçon qui est accompagné de son oiseau, et qui va faire des révélations, en fait, sur Francis à ses amis. Donc ça, c'est des petites histoires que vous racontez tous les deux, quoi. C'est ça. On se donne rendez-vous dans des cafés, puis on planche là-dessus, quoi, sur ces... Mais ça, c'est avant ou c'est après le morceau que vous dites « Ah, tiens, ça me fait penser à Francis, qui serait un peu comme ça », ou alors... Non, c'est avant. C'est avant, quoi. Ça, c'est la petite histoire qui est avant le morceau, quoi. Mm. Ça fait partie du plaisir de se mettre dans le morceau. D'accord. Tu vois, c'est comme boire un coup avant d'aller à l'apéro. D'accord. Je sais pas si on fait ça, mais... Donc, qui est-ce qui lance un peu le truc, là, vous buvez un coup, vous faites « Ah ouais, ouais, ça va, et toi ?» Ah ouais, j'ai une idée, il y a un mec qui s'appellerait Francis. Moi, j'arrive tard. Ouais. Mm. D'accord, ok, c'est bien, c'est intéressant. J'arrive moins à l'heure. D'accord. Alors, les chapeaux, la ligne... Pourquoi 3, j'ai posé cette question, en fait, je sais plus. Bah parce qu'elle est écrite dans ton cahier. Bah oui, mais pourquoi? Mais parce que tu savais pas. Les chapeaux? Les chapeaux, ouais. Ah, je sais pas, Cédric avait l'air de savoir pourquoi, mais... Ah, c'est pas une référence à un port de bonnet Non, d'accord, très bien. Ah oui, à sa collection de bonnets. Ah non, je pensais pas à ça. Mais... On pose une autre question, alors. Ouais. Alors, attends, je cherche dans mes questions... Ah oui, alors est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Ça n'a rien à voir avec le reste des projets musicaux ou artistiques en cours, quoi. L'un non, et l'autre. T'écoutes, Régis, ce que je dis? Oui, mais je sais pas, je suis perturbé. Alors Cédric en a. Alors oui. Cédric, est-ce que tu as d'autres, hormis... Ah ben non, j'ai déjà parlé longtemps, la Régis. Non, il s'appelle Jean-Mich. Jean-Mich, pardon. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé. C'est vrai, alors, parce que j'écoutais pas. Non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est que là, je fais des réponses longues et tout ça, c'est peut-être un petit peu... Ah, d'accord, très bien. Alors, Régis, est-ce qu'il y a d'autres petits projets Moi, j'ai toujours Régis Victor. Alors, Régis Victor, qu'est-ce que... Qui m'accompagne. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a une actualité? Est-ce qu'il y a des concerts prévus? Non, est-ce qu'il y a des disques de prévus? Oui, ça, oui. Ah, ouais. Alors, j'enregistre. Ouais, et alors est-ce qu'il va y avoir des petites... Là, pour l'instant, c'est... C'est à l'état de piste sur ordi, quoi. Ouais, donc il y a un nouvel album en préparation. Oui. D'accord. Je l'ai fait à 75%. Ah, donc ça a bien avancé. Mm. D'accord. Ah oui, et j'avais des questions sur la musique au Canada, comment ça se passait? On a déjà un peu discuté, mais... Je sais pas comment ça se passe la musique. On se fait de la musique au Canada, on a un groupe. Parce que le son est plus fort au Canada. Oui. Non, la température fait qu'effectivement il y a des variations un peu. C'est pas comment. Non, moi je sais pas. C'est plutôt technique alors. La différence se joue à un côté un peu cognitif. Ouais, on perçoit pas pareil. Ok. Super. Vraiment, si t'es satisfait d'une réponse pareille, c'est cool. Moi j'aurais dit non, hein, perso, enfin, mais. Parce que je commence à avoir chaud. Ouais, Bon, Régis, c'est pas. Non, y a pas les mêmes musiques. Non, mais après, si tu veux vraiment une réponse. Ah oui. Non, parce qu'après, je me dis que ça va être trop long. Ça va entraîner dans des... Des débats. Ouais, dans des débats, tout ça. Et, Tu parles de la scène musicale. Voilà, je parlais de la scène musicale. D'accord. Alors, est-ce que, par exemple, vous êtes fait des copains avec votre musique? Non. Des fois, on joue, on fait « Ah tiens, j'aime bien... Ah ouais, moi aussi, j'ai un groupe. » Enfin, voilà. Il y a des gens qui ont aimé. Il y a des gens qui ont aimé. Non, mais non. Moi, on a fait un mariage. La scène musicale de Montréal, je lui chie dessus, quoi. Non, mais je préfère la scène musicale française. Mais attends, c'est pas, c'est, en fait, ils sont beaucoup plus, professionnels à Montréal et ils ont envie de réussir. Ça sent la revanche. D'accord. Donc, et c'est moche ou... C'est moche. Est-ce que c'est moche ? De vouloir réussir ? Oui, enfin, c'est un vaste débat, mais... Bah, le résultat musical, est... j'apprécie moins le résultat. Ah, il y a moins d'ouverture hein, quand même. Ça, je vais dans ton sens. Il y a quand même moins d'ouverture sur les différents types de musique ou esthétique musicale. Par école, c'est moins, c'est plus normé, quoi. Et le fait de mieux en vivre fait que la norme est plus forte. Enfin, les réseaux sont un peu fermés. C'est dur d'y rentrer quand on n'est pas canadien ou anglophone. Voilà. D'accord. Et ils ont la vie dure aussi, il faut reconnaître, faut quand même. Ils ont un peu la vie dure. Il y a pas de, il y a très peu de prestations qui sont allouées aux musiciens d'ici. Donc quand ils s'en sortent, il faut qu'ils fassent plein de boulot à côté. Il faut qu'ils soient efficaces. Ils fassent de la belle musique, qui plaisent beaucoup. Ah, ça rigole moins. Ça compte un peu plus les giftons. Comme Matt, un peu. Comme Matt Pau. Merci. Et alors, est-ce que vous allez refaire des concerts au Tituta bientôt? Alors c'est secret encore. C'est encore secret. C'est encore secret. Ah non, est-ce qu'il y a des petites d'accord, on peut pas savoir quoi. On ne peut pas savoir. Mais si ça, si ah, ça, non, arrive, non, ça sera une surprise. Il y a une. Excusez-moi, mais quand même, je dois avouer là, quand même, au bout d'1h30 d'émission, que je suis big fan de merde, j'ai oublié. Non mais Tituta. Ah, t'es big fan d'Outitota? Ah ouais? Ok, j'aimerais bien être, tu vois. Plus respecté. déjà. Et deuxièmement, si je peux avoir une place, genre. Attends, à un moment donné, si tu vois, Outitota vient. Quand tu vas se monter sur scène. Viens sur le vieux continent. Et nous, DH, on en veut, hein, on rajoute plein. Un H en milieu, un H avant, après. Ça va? Ok. Si tu... Ouais, on te file un H pour Pokora, si tu veux. Deal. J'ai plus de questions. Enfin, j'en ai marre. Attends, j'en ai marre. Non, mais t'as vu toutes les questions qu'il y a sur ton Régis tennis. Va les lire. Je voulais savoir quelles étaient vos influences. Oula. Ben, je sais pas, vous écoutez de la musique, tout ça. S'il y a des trucs et des. Vous dites, bah non. Non, mais qui vous, des choses qui vous ont fait prendre conscience de. Je sais pas, genre. Non, mais il faut mieux pas écouter. C'est comme les livres, plus on en lit, moins on a des idées personnelles. Alors la musique, faut pas en écouter si on veut être créatif. Vraiment. Alors je suis pas entièrement d'accord. Ah bon? Moi je suis d'accord. Toi, Matt. Un peu comme Cédric, je veux dire, j'écoute pas de musique pour faire de. Tu vois, de la bonne musique, quoi. La bonne musique, tu vois. Alors, mais ça, les gens qui nous écoutent le savent. Il y a les deux aspects, c'est-à-dire quand on en écoute trop, si on a envie d'être original, on n'y arrive pas parce qu'on est. Ça partait d'une plaisanterie, en fait, je précisais, mais bon, oui, d'accord. Oui, mais on va rester sérieux. Ouais. Moi, je regarde la télé surtout, quoi. Oui, bah voilà, ouais. Ça permet de décompresser, puis finalement. Mais il y a de la musique à la télé quand même. Oh non. Bah enfin. Si. Oui, il y a un peu quoi. Ah, mais ça peut influencer. Je suis revenu en France, il y avait une émission, c'était des gens, ils chantaient devant. Ils devaient pas oublier des paroles là. C'est oublier pas les paroles. Avec Nagui. Ouais, c'est ça. C'était ça. Moi, j'ai découvert ça quand je suis revenu il y a pas longtemps. J'ai trouvé. Il y a Omar et Fred qui font une bonne prestation. Ouais. Est-ce que vous avez découvert des groupes cool cette année? Des groupes en 2015. Ouais. 2014-2015, on va pas. Oui, voilà. Des trucs, des groupes ou des gens qui font de la musique, pas forcément des groupes, quoi. Jean-Mich, Cédric? Non, vas-y, toi, en premier, là, c'est trop dur comme question. Alors, une autre question? La, votre couleur préférée. Cette année, non, mais oui, alors j'ai l'impression que là, c'est un aveu de faiblesse culturelle. Non, je crois non, que j'ai moi, beaucoup regardé des que trucs qui sont vieux, et voilà, c'est tout. Ouais, c'était quoi? Ah bah, c'est pas en 2014 ou 15. Oui, mais bon, bah, tu peux dire quand même, on n'est pas une année près, tu vois. Non, mais non, en fait, je crois que je vais mettre un rythme plus calme. Maya, tu veux dire un truc récent là qui est sorti, quoi, enfin qui est nouveau. En soi, non, c'est nouveau. Ouais, au début, ma question c'était sur les trucs nouveaux, mais non, pas forcément nouveau en fait. Ah bah, moi je me suis acheté un disque de musique psychédélique indienne des années 70 que j'aime beaucoup, voilà. Voilà. J'ai découvert beaucoup d'inspiration et en fait je me suis rendu compte que les constructions de, bon, pour la musique psychédélique c'est pas super intéressant sur le long terme parce que c'est très répétitif, mais la musique bollywoodienne qui font partie de nos inspirations pour ta question d'avant avec Régis en fait sont très riches de surprises et c'est assez agréable, mis à part le côté kitsch qu'on peut évacuer ou le côté un peu moral et tout ça, enfin on évacue tout, mais juste musicalement c'est plein de surprises agréables qui sont sympas à entrevoir, à essayer de refaire quoi, par exemple. D'accord. Tu vois, ouais. Ça donne des idées d'être aussi libre dans les sons, les timbres, la création, les structures, ça part sur autre chose. Et en fait, je pense que c'est parce que ça suit une histoire un petit peu rocambolesque, et en fait, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé là-dedans avec Régis, parce qu'on essayait de suivre des petites histoires, et puis c'est rocambolesque. Attends, j'écoutais pas, qu'est-ce qu'il dit ? Mais c'est abusé, quoi, je vais pas répéter ce qu'il vient de dire. Il raconte notre histoire, notre rencontre, c'est ça ? Non, ça, c'est la prochaine question, t'as lu. T'as rien écouté du tout, là, Régis, c'est très énervant. Et alors, est-ce que tu peux nous dire le titre, la référence du disque, en fait ? Je sais pas, parce que... Il a parlé d'un disque en fait, ah oui, qu'il avait trouvé, voilà. Et peut-être il peut donner la référence exacte parce que c'était assez vague. Est-ce que vous connaissez la psych funk Sarega? Bah non, mais. C'est ça, 70-83. Mais j'ai une idée, on n'a qu'à écouter. Ah bah si on veut écouter, on l'a. Bah ouais, parce que ça, je l'ai envoyé dans la sélection Rémi. Ah, ouais, ah bah voilà, super. Délire. Ça c'est bien ça. Mmh. C'est et vraiment puis... une émission qui tourne. Mais. Ouais. C'est bien quand c'est l'invité qui dit ça, c'est cool. La Régis cherche le nom sur son ordinateur. C'est quoi le titre? Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas tout. Il y a l'album ou que... Est-ce que je l'ai mis? Est-ce que c'est Kalyanji Anandji? Non. Attends, je cherche. Ah, mais il n'y est pas. Je t'ai envoyé. Ah, si, il y est. Ouais, c'en est un des deux. C'en est un des deux, celui que tu veux, Bayrak Dance Music. Ok, alors on va voir si ça marche. Je coupe la musique de fond. Hein, attention. Plus de musique de fond. On va mettre un morceau. C'est bien ? We'll be right back. Vous êtes toujours sur la radio du Momi. Et c'est presque minuit. Tout le monde est là. Et outi touta. Jean-Mi ? On a perdu Jean-Mi, je pense, depuis quelques temps. Mais c'est pas grave, il reviendra. Sûrement. Bah, c'était bien ce morceau quand même. Bah oui, bon choix, Jean-Mi. Ah, merci, merci. Mais c'était un peu. Ça traduisait pas ce que je racontais tout à l'heure sur les trucs, sur les idées, les trucs originaux, tout ça. Ça, c'était plutôt répétitif. Oui. Et psychédélique, quoi. Enfin, c'est pas bollywoodien. Une base très répétitive, ça fait penser un peu au truc genre Mulatu Astaké, tout ça. Mais c'est bien si c'était bien. Ah oui, c'était bien. Hein. Mais l'autre morceau était plus représentatif de ce que vous disiez. Lequel ? Allô ? Si. Ouais, lequel ? Ah. L'autre, je sais pas. Il y a deux morceaux dans dans la liste que vous avez donné à Régis. C'était Martin, non, je crois. Moi, je. On a des outils tout à fait. C'est quoi le futur là? C'est secret, machin, tout ça? Qu'est-ce que c'est que ça veut dire, ces secrets? Vous allez continuer à faire des choses ou la vie va vous. Sûrement, oui. Mais secrètement. Mais pourquoi secrètement? Qu'est-ce que ça veut dire secrètement? Bah, ça veut dire dans l'ombre. C'est-à-dire dans l'ombre de quoi? Dans l'ombre de quoi? Dans l'ombre de la lumière? Dans l'ombre de. De M. Pokora, quoi. Dans l'ombre de M. Pokora, quoi. C'est-à-dire. Dans l'ombre de l'argent. plus il brille et moins vous brillez. On ne voit plus. Enfin. Jean-Mi, là, sa caméra, on la voit. Ah, pardon. On n'a plus de contact visuel, c'est plus compliqué. La réalité, ouais, c'est qu'ils vont. C'est qu'ils vont. C'est mieux quand même quand on se voit même si c'est la radio. Pour M. Pokora. Ah, c'est ça. C'est un peu secret. Et M. Pokora va jouer pour nous. On vient de s'arranger il y a quelques minutes là. C'est ça, hein. Voilà. On aimerait garder ça le plus discret possible. Il peut le garder pour vous. Régis et Jean-Mi, vous regardez des films? Vous aimez bien ça? Quoi, c'est mal formulé, c'est pas assez. C'est très bien formulé, je trouve ça chouette comme question. Qu'on a la chance d'avoir une tribune comme ça pour pouvoir dire ce qu'on regarde comme film, c'est vraiment. Il n'y a pas d'ironie, c'est cool. Ah bah ouais, attends. Qu'est-ce que t'as regardé? Vous avez regardé la dernière chose que vous avez regardé comme film? Même si c'est très honteux. Hein. Ah ouais, bah c'est honteux, moi j'ai regardé Kong Fury. Quoi? Alors, c'est un petit projet Kong Fury, c'est parce que, je sais pas, on a entendu parler de ça, un projet participatif à base d'un policier qui fait du Kung Fu et qui s'appelle Kong Fury et qui se bat contre Hitler. Ah ouais, pas mal. Et Kong Fury, en fait, ça fait Kong Fury. C'est un projet participatif, enfin, de financement participatif où il y a des gens qui ont un peu pas vous, déliré. Vous n'avez pas participé? Non, et puis je pense pas que j'aurais aimé y avoir participé parce que c'est marrant, mais c'est pas très. C'est sans plus quand même. Mais bon. Je le vois pas très bien. Ouais, c'est un truc de délireman américain, un peu cliché, années 80, un peu hot shot, en plus délireman, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, bon, donc c'est pas. Enfin voilà, c'est bien. Mais, sinon, c'est quoi que vous aimez regarder tranquillou à la maison Moi, le dernier que j'ai vu, en toute honnêteté, c'est Gone Girl. Ah oui, ça me dit quelque chose. C'est un truc de l'année dernière américain. Ben Affleck. Ah, une fille qui a disparu. Ouais. Soderbergh, hein. David Fincher. Je confonds toujours, pardon. Ouais. Sacré M-po. Avant ça, j'ai regardé avec Milan Sirico, qui est un ami musicien. Vous n'avez pas choisi de morceau de Milan Sirico? Si. Ah, on pourra écouter peut-être. On pourra écouter Milan Sirico. On a regardé en vitesse 1,5, donc en accéléré, Le Révélateur de Philippe Garrel. D'accord. En écoutant un disque qu'il avait mis de jazz, quoi. Parce qu'il n'y a pas de son sur ce film. Et pourquoi en vitesse 1,5 Bah pour que ça aille plus vite, parce qu'on se faisait chier. Hein. Ah oui. C'était un bon moment, j'ai l'impression, quand même. Ouais, c'était pas mal. Et donc après, il a mis des épisodes de Miami Vice. Ah ouais, ça, et là ça a dérapé. Et là, grosse ambiance. Ouais. Quoi. Ouais. Ouais. Mm. Mais Régis, vous organisez un petit ciné-club sur Montréal? Alors, oui, effectivement. Le ciné-trapeau, le fameux ciné-trapeau, mais on en parle du Mont-Royal ailleurs, hein. Enfin, aux limites de la ville. Le ciné-trapeau, c'est oui, connu quand même. Il est mouvant, il se déplace. C'est mobile. Il y a eu 5 ou 6 numéros seulement. Hein. L'idée, c'est de montrer, en fait, l'idée, c'est que j'aille regarder des films sur un grand écran. En l'occurrence, au labo où je travaille à Montréal, où il y a un vidéoprojecteur, un grand écran, un bon système de son. Des films que j'ai pas envie de regarder tout seul, quoi, parce que c'est des films chiants, et du coup, j'invite des gens pour les regarder avec moi. Quand tu le présentes, tu le présentes pas comme ça, ça donne moins envie de venir à tes ciné-trapeaux là. Désolé. Parce que le dernier, il était spécialement chiant quand même. Il était long et chiant. C'était le quoi truc de 3 heures là sur des familles. Je me suis endormi un moment même. Comment il s'appelait déjà? Et je me suis réveillé, c'était pareil. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'était? Je crois que ça commence par Ma et ça finit par Ova. Maminova. Ma. C'était pas celui-là. Mais. Ma. C'est en anglais? Non, c'est en russe. Quoi. Enfin, non, il est pas russe d'ailleurs. Sayatnova. Sayatnova, je l'ai regardé. Ah, Sayatnova, c'est marrant, je l'ai regardé sous une tente. Dessous la tente, pas dedans, ouais, quoi. En camping. Ah ouais. C'était bizarre. Mais c'est-à-dire en camping, dans une tente avec un ordi. Ouais, exactement. C'était une expérience sympa. Ouais, c'était pas mal. Mais là, c'est hongrois, je crois. Ouais. Et c'est Marketa Lazarova. Voilà. Marketa Lazarova de František Vlasil. Et alors? Ça y est, il a trouvé. Et alors, c'est beau, mais c'est long, quoi. Mais c'est pour ça, c'est bien d'être avec des amis pour regarder des longs films. Ouais. Non, mais il y en a eu des moins chiants, quand même. Non, il y en a eu des biens. Celui-là, il y a eu des trucs palpitants, quoi. Comme ce fameux ciné-trapeau avec la grande vadrouille. Ouais, j'étais pas là. Si, il y en avait eu un avec un film... Il y avait un ciné-trapeau spécial Residence. Ouais. Alors, il y avait le film des Residence, là, Whatever Happened to Vinnie's Fat. Une série, non? Non, c'est un film qu'ils avaient fait en pensant faire le meilleur film de tous les temps, mais bah, ils n'y sont pas arrivés, quoi. Ils ont un peu abandonné. Et puis, au bout d'un moment, ils ont quand même monté un truc, et voilà. Alors, ça ressemble beaucoup à l'expressionnisme allemand. C'est en noir et blanc. Voilà. Et j'avais montré un film américain, une comédie américaine où les Residents ont fait la musique. Sur laquelle. C'est quoi ça? Ça s'appelle The Census Taker, donc l'agent de recensement. D'accord. Voilà. Je le recommande. Il est je pense qu'il est encore en entier sur YouTube. D'accord. The Census Taker. Très bien. On avait bien rigolé. Ça a l'air sympa, les ciné-trapeaux. C'est un film sur IMDb. Il y a une personne qui a dit jamais on me rendra les 2 heures que j'ai perdu devant ce film sur mon lit de mort, je m'en rappelle. Mais c'est, moi j'ai bien aimé, je l'ai vu deux fois. Ça donne envie en fait de le regarder finalement. Là par exemple, hop, The Census Taker, hop, je voudrais télécharger pour le regarder. Checker ça, c'est très con. Et les ciné-trapeaux, c'est pas régulier, quoi. C'est un non, peu c'est, comme, c'est des, vraiment des suivant l'humeur. De fruits, quoi. C'est hop là, tiens, j'ai envie de faire un ciné-trapeau, hop, ciné-trapeau, quoi. C'est comme ça. Est-ce qu'on réécouterait pas un petit morceau d'Uchiduta comme ça, tranquille? Je sais pas ce qu'en pense M. Pokora. Du bien. Moi j'aime bien ces réponses pour, hein. quand elles sont concises et puis enfin elles répondent. Enfin, non, c'est il est bien, bien ce M. Ça dénote un esprit de synthèse et d'efficacité qu'il serait bon d'intégrer au tout à Régis. Bah ouais. Alors, ils sont où les morceaux d'outils tout à l'heure ? Ah bah. Ils sont là. Outils, tout, voilà. Le troisième alors. Qui s'intitule Jim ou le Jim. Alors, qui est le Jim maintenant, puisqu'on sait comment ça se passe. Ou pas, hein. C'est un mec pas très entreprenant. À la base, il faisait du sport, mais il a déchu. C'est ça. Bah, il a des idées, il a envie de faire des trucs, mais il met pas vraiment tout en œuvre pour. Enfin, il le fait pas. Finalement. Ouais, il l'a fait à un moment donné quand même. Au début, il était. Mais quand il a fait de la gonflette, et ça l'a fatigué. Du coup, il est lent, quoi, finalement. C'est quelqu'un qui est pas bien vite, comme on dit au Québec. Quelqu'un qui est pas bien vite. Bah, on le met. Bah, bien sûr. Bah, allez. 2, 1, 0, 0. Est-ce que vous m'entendez encore? Je viens de changer de système, là j'ai moins de... Change de système. Ah, c'est bien, le son est meilleur. Hein. Mm. Ah oui? Ah bah très bien. Ah, on recommence l'émission. Allez. Ah. Bonsoir. Ouais, bah c'était un peu chiant aussi la première fois. Donc on... Est-ce que... Allô? Ouais. Ah oui, c'est très bien. Ah là, c'est super au niveau du son, là, c'est... Mm-hmm. Ah ouais, là, régal. C'est très confortable. M. Pokora nous disait que là, on rentre dans du sombre. Hein. Mm-hmm. En écoutant morceau. Oh, il a été transformé aussi, ce morceau. Mais il n'était pas sombre au début, il est devenu. Parce qu'il nous énervait, en fait. Voilà, en fait, c'est le seul qui ne reflète pas vraiment ce qu'était la scène. La danse. La discudence. La scène. Bah, sur scène, il était beaucoup plus rapide, en fait. D'accord. Ce Jim s'est ralenti sur la cassette. Quand il est tombé dans la cassette, ça lui a fait... Ça l'a ralenti. Alors, Est-ce que vous aimez moins bien que d'autres, hein, quand même. Lui, ouais, c'est un peu mouton noir, ouais. Bah, lui, il est vraiment hyper méprisé, quoi, Jim. Mm-hmm. Alors qu'au début, c'était notre préféré. Ça, c'est... Ça arrive. Le mec, il s'est grillé, quoi. Fatigué. Il en a trop fait, quoi. Déjà Jim avec un Y mais au ça, milieu. Les mecs qui ont une grande bouche, enfin ça c'est typiquement les genres de mecs qu'on aime pas. Hein, voilà. Alors là, le gars ils ont fouté des caisses, il s'est fatigué, c'était usant, c'est lassé, on l'a coupé en deux. Voilà. C'est ça non? Enfin c'est surtout Régis en fait parce que c'est moi qui décris mais c'est Régis qui a fait ça. Ah, certes. Ouais. Parce que sous ces dehors de gentil, bah des fois il sévit. Mm. Ah ouais. Ouais. Et ouais. Alors là. Pas facile des fois. Jean-Mi, vous buvez votre propre bière, quoi. Alors là, j'étais en train de boire un petit Legui. Un quoi? Qui est un alcool argentin. Qui a un alcool qui est à base de plantes qui est pas dégueu. Il est 18h11 à Montréal. Avant, je buvais ma bière que j'ai brassée. C'est la première. J'ai pas beaucoup de bouteilles là-dedans. Ah. Bah, oui, parle-nous-en un peu de cette bière. Comment tu l'appelles? L'outil tout paf. Ah. L'outil tout tasse. Bah ouais, parce qu'elle en voit quand même pas mal. Mm-hmm. C'est une bière noire, n'est-ce pas? C'est une bière noire. Ah, ça existe? Hein? Bah oui. Bien, ouais. Comme la Guinness, quoi. Ouais, mais mieux, attends. Ouais, mais la Guinness, ils foutent de l'azote dedans pour mettre des petites bulles. Moi, j'ai pas les moyens. Alors, c'est des bulles normales. Un goût maltais, quand même, avec une surface biscuitée assez présente. Mm-hmm. Mais on sent, c'est chocolaté, hein. On sent, elle est chocolatée. En milieu de bouche, mais alors à la fin, par contre, on sent bien la charge. Elle a plus de 8%. Là, c'est 8 degrés, pardon, 10% ici, mais degrés en France, mais c'est des pourcents en vrai. Hein. Souvent, ouais, et souvent, je la bois pas en entière, mais là, comme c'était sympathique, j'ai tout bu. Ah, c'est bon ça, ouais, c'est bon, c'est bien. Mais qu'est-ce qui fait alors ce. Ce goût, c'est quoi? C'est la levure? C'est les temps de fermentation? Je sais pas quoi. Alors, tout ça, c'est une partie bien compliquée, mais... Vous avez suivi une recette? Comment ça se passe? Ah oui, il faut suivre une recette, parce que... Il paraît même que vous avez utilisé un petit logiciel qui ne marche que sous Windows. Oui, mais qui est alors ça, c'est terrible. Là, il faudrait refaire le même en pas Windows. En pas Windows, en multi... Plateforme. Plateforme, voilà, merci. Tu trempes de l'eau dans les céréales, et alors ça te fait un jus. Et ce jus appelé du thé, c'est comme si tu faisais macérer tes céréales. Et alors, quand tu mets des céréales qui sont un petit peu colorées, maltées, tout ça, il y a du bon goût de céréales maltées qui vient. Ouais. Et il y a un peu de sucre. Après, tu fais bouillir ça, tu réduis, tu mets des levures, et les levures, elles mangent le sucre. Elles font de l'alcool et du gaz. Et non, mais tu me dis, hein. Non, c'est bien. Ah, mais t'as un peu de tension dans ton discours. Et alors, après, tu laisses ça. Alors, t'as mis tes levures. Et puis, t'attends pendant une semaine ou deux semaines. Donc là, ça fermente, ça transforme en alcool. Et après, ton bouteille, les levures, elles continuent à agir. Au lieu de laisser échapper le gaz, tu le gardes dans la bouteille. Et voilà. Et en fait, les levures, elles ont mangé le sucre que t'as mis. T'as mis un peu de sucre en plus les céréales. Et elles ont transformé ça en bulles. Et en délicieuses bulles pleines d'alcool et de goût de levure en plus. El Pokora est sous le charme. Et après, on rajoute du sucre. Et non, surtout pas. Ah bah non, là, tu coupes ta bière. Non. Il n'y a pas un moment où on rajoute du sucre quand on les met en bouteille. Ben, c'est un peu triché, il y en a qui font ça, mais c'est un peu triché. Quel genre de levure tu utilises? Parce que c'est vraiment le secret de la bière. Ouais, là je m'y connais pas trop, il y a des mesures qui fonctionnent à certaines températures. Il faut choisir les bonnes, il y en a des rapides, des lentes. Elle avait un petit nom, si je me rappelle bien. Ouais, mais je me rappelle plus. Tu te rappelles plus. C'est ça qui est le bord de la recette, parce que ça, c'est de la fermentation haute, hein. C'est la fermentation haute température. Non, je crois que c'est plutôt au niveau où ça. C'est non, pas je crois sorte... que c'est la température. Moi, je crois que c'est pas ça. Il y en a qui sont actives à basse température, d'autres je crois qui sont actives à haute température. Et c'est pour ça qu'il faut chauffer. Je crois que Guillaume est dans le vrai. Il y a des qui fermentent à 25 degrés, 18 degrés, tout ça. Là, je me rappelle plus du nom. Mais... En tout cas, Régis vérifie sur internet en ce moment même. Non, mais on peut parler d'autre chose. Bon. Alors, attends, moi, je peux poser une question? Ouais. Parce que je suis très intrigué depuis le début par le personnage mystérieusement planant de M. Pokora, de Monsieur Pokora. Et j'avais envie de lui en demander plus. Alors, j'ai pas eu le temps de rédiger une série de questions... Qui a un objectif et qui s'organise judicieusement, mais peut-être voilà, M. Pokora. T'es là? C'est quoi la question? Oui, je suis là. Ah ouais, il y a pas de question. Ah, est-ce que je peux vous interrompre et répondre à la question? C'est dommage, ça prenait bien, il y avait une tension. Cool. Non mais je vous repasse le combiné juste après. C'est difficile après de redre. Bon, je lis ce paragraphe de deux lignes et demie. La levure haute couramment utilisée est Saccharomyces. La fermentation a lieu durant 3 à 8 jours à une température de 15 à 25 degrés Celsius. Lorsque la levure haute a épuisé le glucose, elle remonte à la surface de la bière, d'où l'appellation de fermentation haute. C'est toi qui m'as dit qu'il fallait pas être chiant, là, Régis. À un moment, tu m'as dit. T'as dit pas. Mais c'est fini cette époque maintenant. Ah là, maintenant, ah ouais, c'est non, parce que ça fait longtemps. D'accord. Après minuit, on fait ce qu'on veut. M. Pokora. Ouais, mais je suis pas sûr de cette réponse. Je suis pas convaincu. Ça m'a pas convaincu. Oui, ce serait bien. Ce serait mieux d'en parler plus longtemps. Tu veux pas lire le paragraphe qui suit? M. Pokora. M. Pokora. Mystérieux, pertinent, efficace, synthétique. On est parti dans la levure, là. On va pas continuer ou... Non, c'était une parenthèse. Non, c'est... Là, il y a quelques... Ça fermente depuis tout à l'heure, cette question. Bah. Et pourquoi tu t'es appelé comme ça? Il reste combien de bières, là, sur la table? 2 3 M. Pokora, parce que... voilà, est-ce que tu peux parler plus près? Je crois qu'on t'entend pas bien. On m'entend, là oui. Bah, vas-y, colle. Ouais, bien. M. Pokora, c'est... C'est rythmique aussi. C'est un rythme. C'est l'Afrique, c'est le rythme, c'est la transe. C'est il y a un bout de chamanisme dedans. Il y a un bout de. Est-ce que c'est une musique chamanique qui a derrière non, ou ça n'a rien à voir le nom et la musique. Mais tu t'appelles Mathieu, Mathias, Mathurin. Mathurin, d'accord. Pardon, t'as tapé dans le. J'aimais bien Monsieur. Hein, c'était. Ça avait ouais, mais en fait, il paraît que c'est Matt. Ah, ça c'est moins bon. Mais c'est cool aussi, Matt. Hein. C'est... Ouais, c'est... Matt comme Mathurin. Matt. Ouais. Et alors, la musique, c'est quoi la musique derrière l'homme, en fait, sur les deux? Bah, c'est un saut au commencement, c'est je suis né à Montchanin, pas loin d'ici, voilà. Alors, où est-ce que t'es né, plutôt? Enfin, c'est ce que je voulais demander, plutôt. Plutôt de savoir ta musique, où est-ce que t'es né? Bah, je pense que l'endroit où on est, elle conditionne vachement la musique plus tard, tu vois. Ça, c'est certain, ça, c'est... Bah voilà, je suis né à Montchanin, donc... Donc t'es plus influencé loin de l'Afrique, très loin du rythme, mais très loin de la transe, très loin du chamanisme. Et c'est un trajet vers le chamanisme. J'ai fait un grand pont en choisissant voilà, ce pseudo africaniste, africanoïde, comment je pourrais dire ça, je sais pas. Oui, je... Voilà, c'est voilà Jean-Mich. D'accord. C'est déjà ouais. Et alors les questions sur le pourquoi de, enfin plutôt le comment les instruments informatiques, elles t'intéressent parce que tu fais toi aussi de la musique informatisée. Elle m'intéresse par pure masturbation intellectuelle. Ah merde, d'accord. Non, effectivement, elle m'intéresse. Elle m'intéresse dans le sens où... Oui, voilà, il y a eu une pratique musicale de mon côté qui maintenant n'existe quasiment plus, qui a été remplacée par... C'est vrai qu'on n'entend plus parler de toi. Oui. Okay, voilà. Mm. Qui a été remplacé par une pratique. Oui, mais tes questions, elles sont encore vives. Là, je sentais des réactions, des intérêts vifs, quoi. Donc, il y a une pratique qui s'amenuise, mais un intérêt qui continue à fourmiller, qui se construit, non? Eh ben, écoute, ça me fait plaisir, hein, sincèrement. Mmh. Non, ben, j'entends, en tout cas. Mais... C'est marrant, cette émission où c'est les invités qui posent des questions. Ouais, mais je l'ai senti un peu fatigué niveau animation. Alors, je me suis dit, l'animateur est plus là. On est accompagnateur, on peut s'accompagner. Le boss de la radio du Momi. Ah oui, bah oui, bah là j'ai. Il était scotché. Il fait un somme. On a Chenillon par contre. Eh oui. Voilà. Je chatte avec Amandine. Oui, si vous voulez parler avec Chenillon, elle est devant l'ordinateur. En train de chatter avec quelqu'un d'autre. Ah, ça y est, elle est devant l'ordinateur. Oui, on n'a pas parlé de la licence. Alors, la cassette effectivement est aussi disponible au format numérique sur Free Music Archive. Est-ce que tu peux nous parler parce que bon, bah, on a passé un bout d'après-midi ensemble là. Tu nous as un peu montré des choses là, comme à ton habitude là quand tu viens. Tu bah ouais, un peu des trucs YouTube. Quoi. Ouais. Hein, mais c'est pas rien, hein. C'est quand même à chaque fois ça envoie quoi. Donc tu nous as montré des vidéos d'amateurs, on va dire. Ouais. Des vidéos ou amateurs ou semi-professionnels qui utilisaient votre musique, c'est ça? Ça arrive. C'est intéressant quand même comme forme, non? C'est marrant, ouais. Alors, parce que la musique est effectivement sous cette licence. Libre. Libre. Elle peut être réutilisée librement. Alors, on s'est aperçu qu'il y a. Et à des fins commerciales, c'est ça la question? Sans. À des fins non commerciales. C'est pas vraiment ça la question, mais c'est. Comment. C'est assez rigolo de voir ce qu'on fait évoluer. Vers des choses maladroites. Ah bah qui sont appropriées, mais ça c'est il parle de la musique de Régis Victor là. Oui, mais ça va arriver pour Outil to Tap, peut-être. Oui, bah oui. Oui. Méfie-toi. Non, mais ce qui est intéressant, moi j'ai trouvé, c'était comment les gens interprétaient la musique. Moi je pense que c'est plutôt ils sont dans un besoin d'illustration sonore et ils se tournent vers le. le livre de droit et bon, bah, ils prennent le truc qui... un truc qui leur plaît et qui leur semble coller à leur vidéo, quoi. Ouais, mais il y a un truc sensible, quoi. Y a une... Ouais, ouais. Mais ça vient pas avec des adjectifs qui interprètent... On met des séries d'adjectifs pour dire « Ah bah voilà, ma musique, c'est plutôt une odeur de café » ou mais c'est plutôt... Je pense pas qu'elle soit... Il n'y a pas des tags. Des métadonnées. Enfin, je pense pas qu'elle soit indexée comme ça. Ben, tu me parlais d'un gars qui faisait de la musique genre émerveillé, mais en même temps rapide, et plénitude, et... Mais... Voilà. Tu sais, là, qui faisait des chansons par thème pour être utilisées éventuellement. Oui, dans... il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Ouais. Un gars qui est sur Free Music Archive qui s'appelle Paddington Bear, qui doit avoir 15 albums, et dans les titres d'albums, c'est des ambiances, en fait. Parce qu'il les vend, lui, parce que c'est lui, ça, sur Free Music, voilà, t'en as qui peut vendre, et il y en a effectivement, qui peut... donc, tout un chacun peut utiliser sa musique pour illustrer ses vidéos ou faire ce qu'il veut. Tant que c'est non commercial, mais lui, son but, c'est que dans le lot, il y en ait des demandes d'utilisation à des fins commerciales, et là, il fait banquer, quoi. C'est un peu un salaud, quoi. Alors, M. Pokora, ça, c'est une pratique que vous aviez, l'utilisation commerciale, ou alors c'est plutôt de l'intérêt public de verser sa musique gratuitement? Ça, c'est un modèle que je connaissais pas du tout. Ah ouais. Je veux dire que ça m'intéresse en fait de voir ma musique sur une bande-annonce pour une pizzeria au Brésil, pourquoi pas. Bah ben oui, pourquoi pas. On enchaîne ? On passe de la musique. Durinchi est confortablement installé sur son canapé. Ah bah il a complètement quitté le micro, le lead de l'émission, qu'est-ce qui se passe? Le lead de l'émission est sur le canapé, les yeux fermés, un traversin de chaque côté des oreilles. Ah, je vois que c'est... Oula, bah, en effet. Ah, c'est mal barré quand même. C'est mal barré. Je pense qu'on pourrait mettre une photo sur le... Non, parce qu'il y avait un format, une construction. Comment il voyait la suite? Il a oublié. Il fait une sieste, il fait une pause. Très bien. Est-ce qu'on met alors, un autre morceau? Non, mais ouais, on va pas mettre. Régis, un... Oui, mais on va si, mettre. Il y a un morceau qui est pas mal. De ta playlist, ouais. Ouais, de faire écouter Meridian Brother, Guarachta UFO. Il est pas mal. Alors, c'est le numéro ça combien? Ça ressemble un peu à du Bernard Fèvre, mais c'est autre chose et c'est plus récent. Mm-hmm. Et c'est plus teinté à Afrique du Sud, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, surtout au Mexique, ils font des trucs intéressants en électro. Enfin, c'est une impression vague et lointaine, mais j'ai trouvé des trucs rigolos. Donc, ça vient d'Afrique du Sud? Non, pardon, d'Amérique du Sud. Oui, c'est moi qui ai mal... D'Amérique du Sud. D'accord. Plutôt quel pays? Je crois que c'est Mexique. Attends, je vais vérifier, mais... Alors, ça, c'est plus central, alors, Amérique centrale. Oui, mais c'est déjà l'Amérique du Sud. Tu sais, entre les États-Unis, c'est moins bien. Hein. Donc, on y va? Donc, est-ce que tu peux redire ouais. Meridian Brothers? Ouais. Guaracha, bah... UFO? Exact. C'est parti. Thank you. Aïe aïe aïe, on est reparti. Attends. Faut que je remette. que je remette. Hop, Jean-Mi. Ouais, c'est un monsieur colombien, je me suis planté. Ah. J'ai revérifié. Colombien. Donc, c'est santé, ouais. La Colombie. Hein. Un monsieur ou un groupe? Eh ben, c'est un monsieur qui se fait passer pour un groupe. Ah, merde, ah ouais. Il dit que c'est... Ah, c'est le guitariste, c'est ça, là? Bah, je sais pas, rien, c'est un groupe, mais ils sont pleins dedans, dans ce groupe. Ils sont dans 5 ou 6. Ah bah... Ah bon? Bah, peut-être il y a un cerveau, et puis il y a d'autres... Il y a des bras, ah, quoi. Mais vous les... Ah, tu les as vus? Ouais. C'est... Bah, j'avoue que j'ai pas trop aimé en concert, voilà. Ah, oh, non, mais il y a pas... Contrairement à tout le monde qui trouve ça super, j'ai trouvé que c'était pas très bien. C'était au Recyclard. À Bruxelles. Ah, à Bruxelles. Oh, il s'y passe des choses à Bruxelles. Ben voilà, voilà typiquement ce qui se passe pas à Montréal. Jean-Mi est devenu l'animateur de cette radio depuis Montréal. Pour notre bonheur à tous, hein, on peut dire. Non, c'est bien, c'est bien. Mais parce qu'on veut du vous, et puis après on va se coucher tout mou là dans le canapé. Est-ce que t'as vu la photo? Quelle photo? La photo de quoi? C'est bien, on a pas mis de musique de fond, d'ambiance. Voilà, bah je vais en mettre une. Si, on va écouter Mulan Serico. M. Pokora, est-ce que tu connais Mulan Serico? Voilà. J'ai entendu parler de Mulan Serico. Oui. Au début des années 2000. Au début des années 2000. Ouais, bon, à la fin des années 2000, on va dire plutôt. Genre 2900, j'ai ça, le cerveau qui marche moins bien qu'en début d'émission. Je suis désolé, Jean-Mich. Désolé. Il y a pas de. C'est pas moi qui. C'est pas mon émission. Mais du coup, est-ce que t'as déjà écouté, Matt? Bah, en fait, je vais tout avouer. J'ai une cassette chez moi que j'ai jamais écoutée. D'accord, lequel? Il y a un titre? Le Sport Tranquille. Mais alors ça, Sport Tranquille, je crois que c'est pas Mulan Serico, c'est Sport Tranquille. Alors pardon. C'est un autre groupe. T'as pas Mulan Serico. Il t'a fait bien avoir là, il t'a bien eu, Régis. Un beau filet, bien tendu, bravo. Chenillon, il me semble que vous avez acheté récemment le dernier album de Mulan Serico. Ah ouais. Hop, hop, hop, hop. Oh là là, oh là là. Accident sur plateau. Oui. Mais ça va. Ça va, ça. Il y a des câbles dans. Mais pourquoi il a une activité? Il est fatigué, Guillaume? Guillaume est fatigué, il s'est levé très tôt ce matin, il travaille fort. Il a branché la radio toute la journée. D'accord. Donc, Chenillon. Oui. Vous avez acheté... Oui, j'ai acheté ce petit CD. Ce petit bijou. Ce petit bijou. Mais Chenillon est fatigué aussi, mais elle est là, c'est ça que je... Bah ouais. Mais ouais, mais c'est une meuf. Ah, voilà. Non, non, mais pardon, c'est... Non, mais tu pues, Guillaume, là. ça va sécher. Chenillon, oui. Tu as acheté j'ai acheté ce avec, ton argent. Oui, ce petit bijou avec mon argent, oui. Voilà. Oui. Dernier album de Mulan Serico qui s'intitule Transi. Exact. Transi, comme quand on a froid. Ah, d'accord. Voilà. Et oui. C'est parce que c'est très froid comme musique. Non, j'irai pas ça. Ah, bah un peu. J'irai pas froid, non. Mais... Bah c'est tiède, non? Je dirais pas froid, mais d'accord. Mais j'ai beaucoup apprécié ce disque et le livret intérieur qui l'accompagne. Oui, de belles photos. Il y a de très belles photos, oui. Mm. Voilà, je salue. Des portraits, et puis on va dire, c'est l'effort fourni par le... Oui, c'est un bel objet, c'est un digipack. Voilà, c'est un digipack, c'est un très... C'est un nouveau format pour mettre des CD. Nouveau ? Non, pas vraiment. Enfin, je sais pas. Elle a dit maintenant aussi. Voilà. Alors, on va peut-être écouter un de ces petits morceaux. De Mylène Sirico. Voilà. Et après, mais alors, c'est le retour. Est-ce qu'on écoute un morceau du dernier album, justement ? Ah, bah oui, on peut faire. Un album oui. Peut se procurer où, Régis, d'ailleurs ? Parce que c'est un peu chiant à trouver si on a envie. Ah, tiens, j'avais... Oh, alors, non, Mylène Sirico, donc on va écouter un morceau. Si vous voulez écouter les 8 autres morceaux de cet album Transi, sorti en 2015 chez Stochastic Releases. Chastic Stochastic Releases, comme quelque chose. Non, alors ça c'est un autre mot. Voilà, il faut faire un espace. Stochastic espace. Voilà, Releases. Voilà, vous allez sur le site stochasticreleases.free.fr. L'identité aléatoire. À l'identité aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, c'est stochastique, donc c'est un peu tout ce qui est. Je pense que tu sauras mieux le définir que moi. C'est le stochastique. Oui, c'est l'aléa un peu. Oui, c'est l'aléatoire, oui, c'est l'aléatoire. Mais c'est quoi une identité aléatoire ? C'est une identité qui passe d'une identité à une autre au gré et à mesure du temps qui passe et de la personne qui s'y trouve. C'est ça ? Ouais. Donc il n'y a pas de goût, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de direction, il y a tout au contraire, quoi. C'est pas aggloméré, c'est dispersé. Ouais. Ah, c'est intriguant. Et donc vous allez sur le site stochasticreleases.free.fr et... Mais ils disent pas, là, il n'y a pas une définition de l'identité stochastique, mais c'est une notion qui a l'air vraiment chouette. Le disque est procurable à 10€, post-paid, port compris. Une occasion, quoi. Ouais, mais c'est un CD avec un beau livret, quoi. D'accord, mais bon, voilà. Bah, c'est comme ça. Mais alors, ils ont beaucoup d'artistes, Stochastic Releases ? Qu'est-ce qu'ils... Stochastic Releases, ils ont... Je dirais une demi-douzaine d'artistes. D'accord, mais bien hétéroclite, parce que c'est le chaos, quoi. Alors, il y a 15 références. Il y a 15 références en cassette. 2 en CD. 1 EP. Et 1 LP. Et c'est des personnes de vos connaissances de... Alors, c'est souvent des projets... du propriétaire du label, voire de ses amis, effectivement. Voilà. Voire de lui et ses amis en même temps. D'accord. Le propriétaire étant Mylène Sirico. Une origine tout de même commune à ce stochastisme affiché. Il y a quand même une pertinence. Oui. Ouais, une petite détermination tout de même. Non, mais ça définit plus peut-être le contenu, la musique, que les relations. Va-t-on écouter un petit morceau ? Ouais. On va écouter le morceau Garlic. Donc, comme l'ail. Est-ce qu'on écoute... Si on écoute plusieurs morceaux en même temps, ça fait du bruit. Ben, au bout de 5 morceaux, ouais. C'est ça l'idée. C'est quelque chose de puissant. Donc, très bien. Donc si tu écoutes les 9 morceaux de l'album de Mylène Sirico en même temps, ça fait quelque chose de stochastique, finalement. On y va ? Garlic. Thank you. l'avion tombe et je vole. Des vérités pleines d'alcool. Vas-y, ouais. Alors, donc, Mylan Serico. Ça va ? Ouais, alors, Jean-Mi, ça va ? Alors, qu'est-ce qu'il en a pensé, Jean-Mi ? Qu'est-ce que t'en as pensé de ce morceau ? Bah, c'est super. Ah ouais. C'était sympa. T'as décroché. J'ai pas écouté. Parce que j'ai lâché mon casque, mais j'ai aimé bien. Mm-hmm. Une voix surmixée, une identité bien marquée. Mm-hmm. Je sais pas, j'ai pas grand chose à en dire, ça m'a plu. C'est sympathique. Alors, c'est un moment spécial dans l'émission puisque c'est le retour de l'animateur. Merde. Oui, je suis là. Plus, il est là, la pêche là. Plus en forme que jamais. Non. Bah, plus en forme qu'il y a 5 minutes. Voilà. Et c'est. Alors c'est on. Attends, on a... je vais mettre une musique de fou. Tu t'es amusé. On a une bouteille de champagne et on va l'ouvrir en l'honneur de Utituta. C'est le lancement officiel. Comme un bateau sur lequel on brise ce bout de verre. Attends, faut mettre les micros. Rempli d'eau pétillante. Donc nous lancement officiel dans combien ? Deux secondes. Mais non, tu vas pas secouer. Non, mais surtout pas. Non, mais... Attendez, rigolez pas. Allez, fais gaffe, Chut, mais arrêtez, c'est quoi ces histoires ? Ouais ! Ah bah voilà, c'est parti. Voilà. Bon, alors, le cœur y est, même si les bulles ne sont pas. Attends, ouais, on va mettre une musique de la fête. Ah bah tiens, on peut mettre le morceau de Massico qui m'a donné le nom Utituta. Ah voilà, comme ça c'est la boucle. Ah oui, c'est super. Alors, voilà. Hop. Alors je mets dans les verres le shampooing. Utamita Vester. Cédric, ouais. Bah, ça sert à rien, les gars. Donc là, on peut officiellement commander, quoi. Mais c'est gentil, c'est gentil. Là, ça y est, il y a des. Ah, il y a des commandes déjà. Dis donc, c'est du vrai champagne en plus. Ça. Bravo, oui. Et je chez Nyon, number one. En fait, Outitouta, c'est le résidu de plusieurs mots prononcés dans cette chanson. D'accord. À un moment, tu m'as dit, hey, bon. En fait, c'est Outatite, le groupe. Le vrai nom, c'est Outatavest, quoi. Non, mais c'est quand elle dit. Outa, Mita, Kita, Prita. Ça fait pas Outa. Mais ça fait. Ça fait pas Outitouta. Ben non, ça fait pas Outitouta. Mais je t'ai trompé. Tu faut refaire toutes les. Mais j'allais pas redire exactement les paroles, ça va pas là. Mais toi, tu m'as dit ça au moment où tu m'as venu, tu m'as dit ça. Quoi, je t'ai dit ça. Tu m'as dit, tu prends un morceau de ce qu'elle dit et il y a pas avant, il y a pas après, au milieu, il y a Outitouta, c'est ça. Tu m'as dit grave là. T'as mal compris, man. Non, non, je crois que c'est toi. Je crois que c'est toi qui m'a dit. T'as trop mal compris. Non mais sinon c'est pas si grave. Non mais Outamita, c'est juste un tout petit peu foiré. Voilà, c'est pas bien comme nom de groupe. Sinon, on peut corriger au feutre les cassettes, on peut dire voilà rajouter Outamita Vest. Non mais c'est une inspiration quoi. Oui bah ouais. On a compris. Ouais c'est un peu mais c'est pas. Bah, si vous voulez savoir d'où ça vient de là, c'est bon. Mais moi, c'est pas une agression, Régis. Franchement, je sais pas pourquoi je suis venu, quoi. Mais on est dans la tendresse, on s'intéresse, on veut savoir, et puis quand on découvre qu'en fait c'est. On est un peu taquin, là, quand même. Mpo, je te connaissais pas comme ça. Ouais, j'ai du cœur, hein. Voilà, voilà. et alors, mais ouais, mais pourquoi ce morceau, tu vois. Parce que ça aurait pu être la javanaise de Gainsbourg, et puis un moment il dit on dirait javanaise. Non, mais je cherchais pas spécialement de. Vous auriez appelé votre groupe Javanaise. Exactement, un truc qui aurait rien à voir avec ça vient de la javanaise. Ouais. Si la javanaise m'avait parlé, mais là je. Mais... Voilà. Je cherchais pas spécialement un nom de groupe, mais c'est. J'aimais bien cet enchaînement de. Comment on dit. C'est des syllabes, mais c'est... quoi. Ouais, non, mais il n'y a aucun problème, on a le droit de. C'était l'été aussi, Régis, il y avait des. C'était l'été, des... ouais. En fait, j'étais sur mon balcon, quoi. Non, puis t'étais vraiment chaud, là, chaud, hein. Bah, il y avait le soleil, ouais. Enfin... Ah ouais. Mais chaud, comment. Chaud. Bah, il était survolté. Ah ouais. Enfin, il a. Il a envoyé des mots, quoi. Des mots Agité par le démon, quoi. Ah, oui, dansé toute la journée. C'était incroyable. Il y avait... Non, mais tu te rappelles de ce balcon. Une chaleur. Oui, je me rappelle. Oui, bah, je me rappelle bien de ce balcon. Oui. Bah, peut-être on peut éviter les dossiers, mais oui, je me rappelle bien. Oui. Voilà. Il y avait de très belles plantes. Basilic. Ouais. Non, c'est vrai, romarin aussi. Non, mais je sais, je suis allé sur ce balcon. Mm. Tu vois, ça a mis le feu, hein. Un petit peu de basilic, un petit peu de chaleur, du bois, hop. Et la cassette, c'est vous qui avez fait le mastering? Je sais pas si on peut vraiment parler de mastering. Ah, parce qu'on revient aux questions sur Outil Touta. Parce que toi, tu t'es couché. On est revenu dans le... Non, mais attends, moi je reviens tout de suite, ça repart au début, quoi. Ah, dis donc. Ah, faut refaire sérieusement, d'accord, c'est bien. Ah, bah, je vais pas vous laisser raconter des conneries comme ça. Qu'est-ce que t'entends par mastering? Ça me coûte 200 euros les 10 minutes, quoi. Bah, le mastering, genre, vous avez enregistré. Non, maintenant, on avait relâché un peu, on s'est dit. Mais non, mais vous avez enregistré. Vous avez enregistré, vous avez mixé. Genre, donc, ouais, là, c'est un peu plus fort. Juste... Non, donc, on doit redire vous, comment ça se passe? Ah, on doit redire vous, et bien évidemment. Quoi. Mm-hmm. Vous avez re-enregistré. Mm. Et non, vous n'avez pas enregistré. Vous avez d'abord enregistré. Mm. Après, on mixe. Oh, ouais. C'est-à-dire, on met les pistes, les niveaux. Et alors là, normalement, il y a une étape. Il y a une étape où on booste un peu certains trucs, tu vois. De basse, quoi. Ouais, genre on veut qu'il y ait de la basse et tout, on veut que ça fasse un peu comme ci, comme ça. Mm. Et ça, c'est une étape que vous avez zappée ou c'est une étape que vous avez travaillée? Parce que vous êtes tous les deux quand même un peu dans le son, donc j'imagine que vous y avez pensé. Non, ouais, on a fait ça, mais on l'a fait, oui. Mais quoi? Ah, si. Oui, oui, voilà, avec nous. Ouais. On l'a fait sur quelques jours quand même. Oui. Vous avez fait ça ensemble, le mixage, c'est pas... Si, ouais, on a fait ça ensemble. Ouais. Mais c'est pas une agression, hein, c'est une question. Bah, c'est bizarre quand même. Bah, je sais pas. Ils sont là, on discute de nanana. Là, si on demande si vous faites le truc ensemble, c'est comme si je suspectais que, je sais pas, qu'est-ce que j'aurais pu suspecter. C'est quoi. Vrai que t'as eu un ton assez policier. Mais qui, quoi, comment, je veux savoir les numéros, les machins, mais pas du tout. Je sais pas, c'est pour avoir des infos. Les jeunes, c'est ça qu'ils veulent savoir. Mais ouais. C'est qui a fait le mastering? D'ailleurs, on faisait le mastering au studio du labo. Ouais, donc il y a eu un mastering. Bah, disons, ouais, on faisait. On triturait le son pour que ça sonne pas mal. Mais je veux dire, pourquoi il y a un problème avec le mastering? C'est quoi cette histoire? Mais je pose une question sur le mastering, tout le monde se sent agressé. Il n'y a pas de mépris du mastering. Il n'y a pas de mépris du mastering, mais. On parlait d'autre chose. On a gravé un CD, tu sais, on a fait une version, on s'est dit, waouh, ça sonne pas mal. On a gravé un CD, puis on est allé à un concert, je crois, en voiture, avec la voiture de Cédric, qui maintenant est à la casse. On a écouté du coup sur l'autoradio, quoi, et ça sonnait, c'était tout pourri. Ouais, c'était peut-être l'autoradio. Oui, bah non, mais l'auto comparé aux autres trucs qu'on écoute sur l'autoradio, Pokora par exemple. Tu écoutais Pokora, après hop, tu mets Outil Touta, ah c'est tout pourri, tiens. Ouais. Alors là, on a rebossé du coup. Donc vous avez remasterisé. Dans la bagnole. Donc il y a quand même eu deux masterings là. Tout à l'heure, je posais la question, genre oui, le mastering, pas du tout, n'importe quoi. Là, j'apprends quand même qu'il y a eu deux masterings. Vous essayez trop de cacher un truc, quoi. Mmh. Un mastering dans la voiture, quoi. Je sais pas, je trouve ça bizarre. C'est un road mastering en fait. C'est ça. On est allé au concert de à Beaubien là, Régis. Ouais, c'est à ça, la brasserie Beaubien. Ouais. Qui se trouve Beaubien, je sais pas. Non, mais parce que c'était une période douloureuse et on l'évoque avec difficulté parce que ça correspond à nos premières dissensions avec Régis, c'est ce qui avait failli péricliter, quoi. Et oui. C'est là qu'on veut aller. Bah oui, mais nous on préfère éviter, c'est dommage de boire un verre de champagne en parlant des choses qui nous ont séparés finalement. Qui fâche, quoi. Mais attendez, on comprend pas là. Ouais, ça se passait hyper bien, et puis d'un coup on découvre qu'en fait c'est pas du tout idyllique. Non, mais on s'est remis ensemble après, t'inquiète. Ah, ok. Donc cool. Ça va, c'est cool, ouais, c'est sympa. Toi, c'est cool, mais tu sais, ça ravive. On fait une pause, quoi. Ah, j'ai plus envie de parler, ouais. Alors, ça tombe bien, j'ai plein de trucs à raconter. Non, je sais pas pourquoi je disais ça, je sais pas, c'est important de savoir les gens comment ils font, quoi. Mais en fait, on a tout fait de A à Z, je crois. Voilà. Mmh. Mmh. Mais tu vois, par exemple, sur le petit papier, il y a marqué Recorded by ourselves. Ouais, ouais, bah. In Montréal, QC. Québec, en fait. QC, en fait. Québec, ouais. In 2014. Ouais. Voilà. Mmh. Ouais. Bah, c'est l'étape la plus importante, le Recorded. C'est pour ça qu'on a juste mis ça. Ok. On aurait pu mettre aussi une base. Une fois que c'est enregistré, il n'y a plus de création, quoi. Il n'y a plus d'enjeu, quoi. Bah si. Mais non, mais là, il fallait résumer. Mais c'est pas des questions pièges. Il fallait. Non, mais il fallait résumer en un mot, quoi. Oui, mais c'est pas un reproche, c'est juste. Vous parliez de la création, que fabriquer vos outils, c'est une partie créative, comme j'en sais rien, le montage au cinéma, quoi, tu vois, par exemple. Le fait de filmer, pour certains, c'est déjà fini. Le fait de monter, c'est une autre étape. Alors, il y a des gens pour lesquels le mixage ou le mastering, c'est une étape de création. Donc, peut-être ma question était tout un à peu fait. Machin, mais est-ce que pour vous, c'est une étape de création ou ça allait un peu moins que la fabrication des instruments et la composition et l'enregistrement? Ça l'était moins, effectivement. Voilà, bah, il a donné un élément de réponse, le registre. Il a dit que le but, c'était de faire quand même une musique qui soit vivante, quoi, live. Et on a essayé de coller le plus possible à un enregistrement live. Même si l'enregistrement ne se fait jamais live, quoi, mais oui, parce qu'on enregistre des parties séparées. C'était pas notre enjeu, voilà, de faire la musique pour qu'elle soit super bien produite. Il fallait qu'elle soit, elle restitue bien l'esprit, en gros, c'est ça qu'on dit. Okay. Et puis après, après c'est dur, quoi. Enfin, c'est toujours dur, c'est toujours pénible, hein, le mixage, mastering. Il faut être super critique, ça use l'oreille, ça remet en cause tous les jugements. C'est jamais facile, mais tous les musiciens qui ont essayé, ils connaissent ça, quoi. Ouais, non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Mais y a pas, ce que je veux dire par là non plus, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté dans ce qu'on raconte. C'est simplement que, oui, non, c'est pas surproduit. On n'a pas mis l'acte créateur là-dedans. Non, il est plus, s'il y a un acte créateur informatisé, il est plus dans la fabrication d'instruments et puis d'accord. La découverte que dans le mastering. Ça, c'est. Puis parce que c'est pas trop sympa non plus, le mastering, c'est un boulot. Hein, c'est un. Mais M. Pokora, on sait quelque chose là-dessus, parce que moi, c'est une vraie partie dans le création. Personnellement, je commence toujours par le mastering. Voilà. Mais ça m'étonne pas, mais c'est bien aussi. Pourquoi ça s'entend quand même. C'est malin, ouais. Ah bah, on sait où on va, mais en même temps, ça fixe objectif, un esprit de synthèse et de. Mais ça m'étonne pas, voilà. Une autre question de Rinchi. Et on peut t'appeler comme ça ou... Comment ? De Rinchi, ça marche ? Ah, comme vous voulez. Hein. Okay. Ah non, mais non, putain, au début c'est vous, machin, et là c'est comme vous voulez. Non, mais l'autre, Jean-Mimi, je sais pas quoi. Ah ouais, d'accord. Ah bon, ça s'applique que à moi, en fait. Non, mais voilà, c'est tout. C'est ça que je voulais... de ça que je voulais parler. Donc je suis content, en fait. T'as fait le tour d'avoir eu des... Bah non, mais on a fait le tour des trucs techniques un peu, quoi, en fait. Enfin, rapidement, hein. Tu vois, du début à la fin. Et on n'a pas parlé après des pochettes et tout, quoi. On en a un peu parlé quand même. Oui. Bah après faut les toucher, quoi. Bah ouais. C'est la matière. Un doigt, ça vaut 1000 mots, quoi. Il y a une petite incursion du lieu là. Il y a un bout des tapisseries du Brahms là, Régis. Il faut dire un mot là. Je sais pas si c'est quelque chose qu'il faut révéler. Sinon, tu vois. Il y a effectivement. C'est vrai, c'est un peu interdit. Si combien on a d'auditeurs là en direct? Parce que on peut nous. Actualiser. Statistiques, audience, parce qu'on peut nous écouter en différé, mais en direct, faut actualiser. Ouais. Alors, je crois que. Ah, deux. Bon. Ah, on est redescendu, mais c'est parce que j'ai parlé de trucs chiants là. Les gens, ils s'en foutent du mastering. Ils préfèrent, je sais pas, quand il y avait le champagne, ça marchait bien, je crois. Tout ce passage. Bah là, ça a plus descendu qu'autre chose. Ouais. Non, mais c'est peut-être l'horaire aussi, puis ça fait quand même 3 heures. Peut-être qu'on non, mais c'est bien deux. C'est... Ils se reconnaîtront, du coup. Et bravo. Merci. Qu'est-ce qu'on disait ? Bah, il y a des bouts de tapisserie qui composent la pochette, voilà. Qui sont en fait des bouts de tapisserie. Chers deux auditeurs, si vous commandez, si vous avez l'intention de vous procurer cette cassette, sachez que. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Sachez que, en faisant cela, vous vous procurez une partie du patrimoine historique québécois, sachant que les pochettes sont faites d'un bout du bâtiment. C'est un ancien couvent. Pardon, d'un bout d'un bâtiment, d'un vieux bâtiment construit dans les années 1920. Un couvent. Voilà, donc autant dire qu'on a gâché un peu du patrimoine du Québec et que vous pouvez vous procurer. On l'a transformé. On l'a transformé. Mais ça, vous risquez pas d'aller le finir en prison. Peut-être. Surtout en le révélant comme ça à deux auditeurs. C'est un groupe qui a des burnes. Ouais. On s'en fout, nous. On est des ouf. Non, mais parce que personne. En fait, ce truc, personne le verrait, quoi. En fait, c'est un fond de tiroir. Que personne n'ouvre jamais, quoi. Et moi, nous on les trouvait jolis, ces fonds de tiroir. Enfin, les trucs qui protègent le bois, en fait, du tiroir. Comme une sorte de carpette, là. Ouais, un habillage. Un habillage avec un motif, quoi. Qui est même un peu en relief. Même les gens qui côtoient la pièce où se trouve ce meuble, ils ouvrent jamais ces tiroirs. Il n'y a rien dans ces tiroirs. Tu dégonfles, Régis, t'es fou, là. Non. Qu'est-ce que quoi ? On a pris des risques. Des gros risques. On a pris des gros risques, ouais. Bah ouais. Ça pourrait mal finir. Mais Quelque part, c'est quand même maintenant, vous avez la possibilité de toucher ces fonds de tiroir. Ça, c'est comme leur redonner une seconde vie qui n'aurait pas vraiment. Et puis, c'est un peu touché, voilà, l'histoire du Canada, quoi. Quand c'est un peu exotique, ça fait voyager. Ouais, sans passer par la douane. On peut sentir. La pochette. Ah bah ça tiens, sent le fond de tiroir. Elle est où, ouais, vas-y, chante. Je sens. Ouais. Alors ? Ah non. Ouais. Bah, je sens rien. Oui, mais toi, tu sens rien, tu avais dit non ? Je sens rien au niveau. En général. Voilà, mais à un niveau poétique, je sens. Ah ouais. Ouais, donc poétiquement, la cassette, ça va juste. Ouais. Ah, c'est dans la vie, c'est ça. Il y a des choses qui sont moins olfactifs, quoi. Oui, voilà. En fait, c'est un peu ça, quoi. Comme la salade, par exemple, ça n'a pas vraiment d'odeur, mais ça va plus loin que ça. Ouais. En fait. Et alors, Francis, par exemple, parce que du coup, je regarde la pochette, quoi. Ce visage, il est inventé ou il est inspiré de quelqu'un, quoi. Ce visage un peu pointu. Là, par contre, je pense que si on révèle. Là, non, on va avoir des problèmes. Là, on va trop loin. Ouais, on va trop loin. Là, le coup des tiroirs, ça va, mais ça. Ça, bon, alors on ouais, arrête. C'est chaud, quoi. Bon, voilà, il n'y a pas d'autres infos, quoi. Parce que je regarde quand même le boîtier, quoi. Alors, oui. Ah, Mathurin. M. Pokora. Ça ressemble un peu à une image, un portrait, tel qu'on peut les trouver dans les réseaux sociaux. On va surtout essayer. Ouais, non, faut rien dire. Quoi ? Ah putain, il y a encore un gros sujet là, mais c'est rempli de tabous, quoi, Outitouta, finalement. Au bout de 3 heures, au début, on commence, voilà, c'est une rencontre, machin, puis au bout d'un moment, on creuse un peu le truc, puis alors, on tombe sur le mastering, déjà, il y a des tensions, puis après, sur la pochette, il y a des trucs à pas dire, il y a à moitié des trucs un petit peu, à moitié illégaux, quoi, enfin... C'est une société secrète, en fait, Outitouta, Ben, on peut pas répondre, en fait. J'imagine bien, ouais. On enchaîne ? On se passe un petit morceau de Mpo. Effectivement, oui, oui. Qu'est-ce qu'il dit ? Oui, effectivement. Qui dit quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Bah, attends, je me demandais tout à l'heure, Régis, tu disais on avait des morceaux en commun, c'est quoi ces morceaux en commun ? Oui, voilà. On en a un. Bah, c'était Bernard Fèvre, en fait. Ah, Dali, d'accord. Bah, c'est marrant qu'on ait choisi le même du disque. Il est bien, celui-là, en même temps. Ouais, bah on a qu'à le passer du coup. Bah après, les gens le connaissent, les deux auditeurs qui restent, ils ont envie de l'écouter sûrement. Bah nous aussi, hein. Nous on est au moins 5 ou 6. Donc ça va être court. on peut laisser. On va rester. On va pas bloguer, partir. Quoi. C'est 1 minute 23. Le morceau d'Ali de Bernard Fèvre. Ah, c'est parti. Donc voilà, c'est la radio du Momi, on est là, on est tranquille, on chill peinard, il est 1h11, en toute tranquillité. Est-ce qu'on se dit que on a fait le tour des choses, peut-être? Bon, on a pas mal fait le tour. On a toujours Jean-Mi, là? Non, non, il est... Il est parti, il est peut-être allé aux toilettes, parce que, bon... Le fauteuil moment, est vide. Il faut y aller. Bah, merci d'avoir été là. Et bah voilà quoi. Donc on rappelle les informations importantes. Outitouta, c'est une cassette qu'on peut se procurer dans différents lieux. À Montréal. Peut-être une petite musique pour que tu parles mieux. Ouais, parce que là je bute un truc entraînant quoi. Je sais pas si c'est très entraînant. Ça ralentit un peu. Ça porte pas en fait. Enfin, ça porte ailleurs. C'est exactement là où je suis. J'entends pas. Mais mets ton casque. Non, mais d'habitude j'entendais. Ah, voilà. Là, on est bien. Là, on a des instruments, on a du vent, on a du matériel, du matériau noble, on a du bois, on a des cordes, on a des cordes de fabriquées avec des bouts d'animaux, on a aussi des cordes vocales, c'est-à-dire c'est un organe quasiment. C'est la radio du Momi. Merci et bravo à Outitouta d'avoir été là, ainsi qu'à Mpokora. Qui rayonne par sa présence physique et mentale. Merci, bonsoir. Et surtout qu'on remercie d'avoir été là dans cette émission alors que il pourrait très bien être à Tokyo ou sur Énergie à boire des alcools de meilleure qualité. De meilleure qualité, peut-être dans des loges avec non pas des chips mais peut-être des petits macros à l'huile d'olive. Et pourquoi pas avec des saveurs plus raffinées telles que des petites marinades à base de citron et de limpe. Et rappelons donc les informations importantes. Outitouta, l'album, la cassette, bim bam boum, on commande ça chez le vilain chien. Ou on va dans les distributos à Montréal. Allez dans les distributos à Montréal, c'est au Canada, c'est pas si loin, c'est une belle destination vacances. Si vous avez envie d'y aller, vous pouvez envoyer un email ici ou à Régis pour proposer Je peux faire un petit tour. Il peut faire un petit tour. T'as préparé un petit PDF avec les Mais même physiquement, il peut vous faire visiter des endroits, passer une soirée. Je veux dire, c'est tout à fait possible. On est là pour rencontrer des gens. On n'est pas là pour rester chez soi et faire des PDF avec son ordinateur. Non, mais ça, c'est dans un premier temps. Mais dans un premier temps, ça peut commencer comme ça. Effectivement. Voilà, peut-être un jour en concert dans votre ville. Peut-être. Sinon, il y a un site internet, hein, Outilouta avec des H par-ci par-là. Vous pouvez faire ça. Donc, Jean-Mimi a disparu. Non, il est là, mais je crois qu'on l'a pas remis. Il est là, mais on l'a pas remis. Mais si on l'a remis, quoi, non ? Allô ? On l'entend plus. Allô ? Allô ? Allô ? Ah, bah, voilà, si, là, on l'entend. Bah oui, il est là. Ah. Ah, oui, mais ouais. On concluait. Oui, ben j'ai entendu. Je suis très satisfait de cette conclusion. Bah oui, on disait des au revoir, tout ça. Ben c'est vraiment chaleureusement que j'adresse notre remerciement à toute l'équipe de la radio. Au Momi et également à Monsieur Pokora. On a été très bien accueillis. Parcimonieuse mais pertinente. Si vous si vous passez par là, c'est une bonne adresse. Ah oui, ça fait chaud. On vous voit en France. Comment ça se passe, Jean-Mi? Si on me voit moi en France. Ouais. Parfois au détour d'une rue. Donc il faut quand même guetter, quoi. Donc faut alors. Guetter à certains moments de l'année. D'accord, plutôt vers l'hiver. Plutôt vers souvent au printemps. Lorsque les gens sortent. Mais discrètement, discrètement. Vraiment le début du printemps, quoi, c'est-à-dire. Un coup derrière un comptoir, peut-être. D'accord. Ah, comme une sorte de barman. Ou si le bar fait un coin, c'est là. Très bien, superbe. Régis, on finit avec un morceau de Outilouta avant de dire au revoir. Carrément. Enfin non, après avoir dit au revoir. Après, oui, donc, après. Il s'agit de quel morceau? Parce que maintenant il va falloir choisir. Bah oui, parce qu'on en a passé 3 sur 5 et donc il en reste 2. Donc lequel? Bah soit le dernier qui est éponyme de l'album. Le dernier, ouais. le dernier, je pense qu'il est. Ah. Lui, le dernier. Le dernier. Voilà. Bon. Le dernier, bah, qui s'appelle donc Francis. On en a beaucoup parlé. Ouais. On y va? Il faut dire au revoir. On a parlé, quoi. Oui, mais on y va. On dit au revoir, tout ça. Ouais, c'est chaud. Bah, c'est difficile, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut dire, voilà, au revoir. Oh, bon, c'est moins poser de questions pour dire bonjour. Bah oui, mais on peut dire au revoir, voilà, au revoir. Ouais. Non ? Non, mais parce qu'il a encore une ou deux choses à dire. Ah, ouais, mais peut-être que t'avais des. Qui, moi ? Non, que tu voulais dire ? Non, j'ai envie d'entendre plutôt. Ah, oh, oui, mais alors ça. Et de comment. T'as un commentaire peut-être ? Parce que comme dit Matt Pokora, j'adore écouter la radio, mais en faire. C'est vrai. Non, mais c'est bon, mais c'est comme plein de choses. C'est comme moi, j'adore les pâtes, mais les faire. Exact. C'est curieux, oui. Belle, belle analogie. Les chemises, en général, c'est plus. C'est les plus chemises C'est technique. Je saurais trop pas comment. Mais peindre, c'est la bière, c'est plus facile. Mais c'est le début de la chemise, hein, la bière. C'est un chemin vers la chemise. Justement, c'est un chemin que j'ignore encore. Je remets le même morceau. Et attends, il y avait le morceau du début là. Tu veux réécouter? Ben, c'est la suite. C'est la suite. C'est un avant-goût du. La suite du prochain album. Ou pas. Prospective. Alors, on réécoute le nouveau morceau de Outilouta. C'est pas un nouveau morceau, c'est juste un extrait de répète. On réécoute un extrait de répète de Outilouta du futur. C'est un extrait de répète qui a été enregistré après l'album, en tout cas. C'est un peu le futur par rapport Qu'on avait proposé en entrée de générique de cette émission. Donc on le fait en, outro. Bah disons que si on voulait recommencer l'émission, on remettrait ce truc là quoi. Genre... Bah on peut le remettre et voilà. Et bah c'est ça. Bah là je l'ai remis là, ça est parti. Bon, au revoir. Non non, mais non, attends. C'est bien. Sympa. Bah, du coup, on redit au revoir, quoi. Bah ouais, on adore faire ça. Bah oui, mais on adore. Comment ça? Moi, je veux bien dire au revoir à un coup, quoi. C'est, en Belgique, c'est souvent ça. Ils disent, bah, à vous, les Français, c'est toujours des au revoir à rallonge. Hein. C'est, Ah, mais M. Pokora, mais parce que vous êtes belge. Parce que ça, j'ai complètement zappé, là. Parce que au début, on a parlé de. C'est ça? Je viens de Bourgogne, mais... Mais disons que... Il y a une belgitude. Ouais, c'est un peu la logique, quand on gagne beaucoup d'argent. Voilà, enfin, j'ai pas tout expliqué non plus, quoi. Ah oui, mais, ouais, mais quand même, on tend vers l'Afrique et puis on finit en Belgique. Oui, bah, ça fait des petits détours, mais bon, il y a des ponts. Il y a le Congo, quoi. Voilà. C'est un beau... Un peu la Belgique en Afrique, quoi. Ouais. Je me rapproche un peu plus de l'Afrique en allant un peu plus vers le nord, bah c'est un... Ouais, c'est un chemin particulier. Dakodak. C'est aussi pour moins payer d'impôts. Hein. Peut-être. Ah. Parce que là, mais ça, on a peu évoqué, c'est dommage. Parce... Les impôts? Non, mais la trajectoire là, qu'il est en train de décrire. Parce que moi je suis toujours intrigué. Là. Mais il y en a eu une spéciale MK Okora de toute façon d'émission. Demain, 8h. Ah bah j'étais pas au courant, mais ça on l'a pas dit non plus. Bah. Quoi. C'est comme ça, hein. Sur un coup de tête. Que ça se passe. Je pense que c'est bien. Ouais. Et franchement, c'est mieux y a que tout de. Le punchline là, c'est exponentiel là. C'est... Ça marche mieux de discuter tout ça en faisant la radio que si on avait fait Skype, tout ça, on n'aurait jamais pu être... on aurait déjà raccroché, quoi. Bah ouais, genre ouais, allez, je vais coucher. Alors que là, tu vois... En même temps, on n'a pas pris trop de nouvelles, quoi, genre, salut, ça va? Bah ouais, comment ça va, Régis, d'ailleurs? Mais non, parce mais c'est pas, c'est, on l'a pas fait, on a bien fait de pas le faire. C'est la radio, quoi. Oui, franchement, oui. Si à la radio il y avait genre M. Pokora qui arrive, ouais putain, ce matin j'ai pris ma caisse et tout, j'ai crevé. Non, ce matin j'ai pris ma douche déjà, tu vois. En Belgique donc. Ok. Bon, on y va non? Ben oui, on va dire au revoir On dit au revoir au monde entier, quoi. On dit au revoir à tous les Samuel, Grégory, Justine, tous les gens qui sont construits d'eau, quoi. Donc on dit au revoir à l'eau, en fait. Allô. Allô. Bon, nous terminons cette émission sur cette bonne nouvelle, joie de la vie. Monsieur Jean Mimi, nous vous saluons bien bas. Merci. Tu dis merci quand on me parle, toi, maintenant. Ouais, c'est vrai, c'est abusé. Non, je dis merci, tu réponds à la c'est bizarre. Non, je lui dis merci, moi aussi. Ah oui, d'accord, donc toi, t'es l'animateur, maintenant, t'es très bien. je te dis merci. Non, mais il redit merci, quoi. Bah, d'avoir répondu quand on l'a appelé sur Skype, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu sais, t'es pas obligé. Merci pour votre accueil et... Ah, ouais, c'est plus sympa, quoi. On peut laisser parler Cédric un peu. Il dit au revoir et tout. Bon, ça va, quoi. Merci pour... voilà. Bon, non, mais on va pas pendant diplôme dire merci, machin, la reine Elisabeth, mon producteur, machin. Non, c'est pas bise, c'est quand même émouvant, quoi. Sans l'aide de machin, mes parents qui m'ont payé le billet de train quand j'ai voulu aller enregistrer... On n'a pas dit merci à jamais, quoi. Merci Chenillon, quoi. Franchement, toutes les questions et tout, c'était bien, quoi. Ouais, bonne question. La bonne ambiance, tous les trucs sur l'internet. Ouais, présence sur internet, représence. La com, tu sais. Ouais, bon, on y va. Attention, dans 30 secondes, on passe quoi ? Un dernier morceau ? Le dernier morceau, Francis. On passe le dernier morceau, Francis. Achetez cette cassette. Le plus long. Sinon, je vois pas ce que vous pourriez faire de plus intéressant. Franchement, si vous avez écouté jusque-là et que vous achetez pas la cassette, il y a un problème. Double loser. Il y a un gros problème, quoi. Franchement, 3 heures comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu dois faire la com, Régis. Moi, je sais pas comment on finit, quoi. Eh ben. On fait des bisous, là, tout le monde. Allez hop. Bisous. Allez, merci. Bisous. Salut Cédric. Salut. Saballe. À bientôt. Et merci bien.